Lumière, 21h-23h sur Indestar. Qu'est-ce que c'est l'improvisation scénarisée? C'est tout simplement des situations que je vais donner à mes candidats qui sont là. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et ils vont devoir s'adapter aux situations et aux personnages que je leur donne. Voilà. Bonjour Fatih, comment tu vas? Bonjour, comment vas-tu Clément? Bah moi ça va super. Oh cette voix. J'adore qu'on se dise bonjour alors qu'on s'est vu tout à l'heure. Ouais c'est vrai, mais ça c'est la magie de la radio hein, quelque part. Magique. Alors Fatih, quels sont tes centres d'intérêt? Qu'est-ce que tu fais? Voilà tout ça. Bah alors j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. J'en fais un peu tous les jours. Ouais. J'essaie de faire le maximum. D'accord. Cette réponse. Pas mal non? Super. Aujourd'hui, je vais poser une question un petit peu random à tout le monde. Enfin, ça va être la même à chaque fois. Allez. Si tu étais président de la République, Fatih, quelle serait la première chose que tu ferais? Alors, président de la France ou d'un autre pays? De la France, ouais. De la France, première chose que je ferais? Ouais. Je toucherais mon salaire. D'accord. C'est une très bonne idée. Salut Rémi, tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, super. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Rémi? Une excellente question. On va dire que je fais pas mal de choses, mais pour résumer, pour concrétiser, je suis vendeur principalement. D'accord. Donc on peut te croiser à... Voilà, du lundi au samedi, de 10h à 19h, d'accord, en jeu vidéo. Non, je rigole. J'ai aussi des jours de repos. Ok, super. Voilà, voilà. Super. José, bonjour. Eh bien, bonjour. Comment tu vas? Parle un petit peu plus près du micro. Ah, plus près, comme ça? Voilà, formidable. Lèche le micro, là, adopte-le. Collé au micro. Je vois ça. Ok. Alors, présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Eh bien, José, je suis collègue de Rémi. Oh. C'est mon métier. Eh, c'est ton... ouais, un c'est un travail. Et oui, non, voilà. Tu travailles au service après-vente. Exactement. Aussi de préciser ce travail que j'essaie d'oublier chaque jour. Il faut préciser. Il faut préciser ces hommes de l'ombre. Je précise, donc si vous êtes en colère ou content, c'est moi. D'accord. Ok, super. Comment vous vous sentez, là, les trois collègues? On se sent en digestion pour ma part, mais ouais, je me sens. Tu as mangé un bobun, il me semble, avant. Avec un accent magnifique, j'aimerais que tu nous la refasses. J'ai mangé un bobun. J'en sais rien. Ah bah voilà, bah, je vais pas le dire parce que, après cette magnifique prononciation, je vais me limiter à ça. Mais c'est quoi un bobun? C'est les plats chinois avec plein de trucs dedans. Je serais juste tenté de dire thaï, mais. Oh, t'as mangé asiat, quoi. Voilà. Fais pas l'ancien. Moi j'ai mangé noix, quoi, je veux dire. On est arrivé à un point où. Ok. Bah super. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez peur de ce qui va se passer ce soir? Non, de... chaud. De l'émission chaud. Ou de la pré-émission? Non, on va parler de l'émission pour l'instant. Après, bon, bah voilà, c'est entre nous ça. D'accord. Non, mais impatient, très impatient. Nice. Et quand même un peu stress. Hein. Ah ouais, un peu de stress? Ouais, un petit peu là. Oh, peut-être mais faut pas. T'inquiète, on va te détendre. T'inquiète pas, c'est hyper. C'est un format qui est vraiment très différent de l'improvisation comme on a l'habitude d'en voir. Parce que c'est. Comment dire? Pour les joueurs en général, c'est sécurisant. C'est-à-dire que moi je suis là. S'il y a quelque chose qui va pas, vous aurez ce petit jingle. Voilà, formidable. Et ce petit jingle là pour revenir dans l'impro. Donc si je veux dire un truc. Je veux dire un truc, regarde. Alors là, Rémi, je vais te demander d'être bourré pour la scène qui suit. Et je suis pas du tout bourré. Voilà, formidable. Oh, tu fais bien le bourré. Hein. Je vais dire que j'ai quelques années de pratique. Ah, c'est la pratique. Hein. Rémi, le genre de personne qui font vécu avec QV. J'adore. Et là, t'as pas un petit... Ouais, j'ai des petits... Deniso. Voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. Ouais, voilà, je pense que tu mérites de t'applaudir. Je devrais mettre un petit padam tss. Bah, il faut, il faut. Mmh. Voilà, par contre, j'ai le coup de poing. Ah, c'est bien ça aussi. Tout à fait. D'accord, très bien, j'adopte. Ok, donc dans cette émission, on va parler de plein de choses. On va parler de services après-vente, hein, quel hasard d'ailleurs. Tu n'arriveras pas à oublier ton métier ce soir. Non, parce que c'est pas moi. Non, je pense que José, je vais te mettre dans une autre situation que le mec qui répond. Tu vas faire un client chiant, je pense. Une revanche sur la vie. Ce qui est pas facile. Hein. Tu as de bons exemples tous les jours, je pense qu'il y a de quoi. J'en ai un bien. Mais garde-le pour tout à l'heure, je te promets. Okay. On va parler de bar, une improvisation qui va se dérouler dans un bar, je vous en dis pas plus. Dans un bar, autant pour moi. Oh. On va parler de président, pas le fromage, mais le titre, voilà. Très président bien. De la République. Mm-hmm. On va parler de prison. Voilà, alors président, puis prison. Libérer la crime. Tout ça, voilà. On va parler également d'un tonton bizarre. D'un tonton bizarre. Ouais. tonton. Alors, je vous bizarre. En dis pas plus, hein, c'est super mystérieux. Et à la fin, à la toute fin, on va parler d'un test de grossesse. Ah, les vrais sujets. Je le savais, je le sentais dans mon ventre là. Puis que j'ai mangé le boboon, les gars, je suis déjà à 6 mois, alors je vous le dis. Quelque part, c'est le parcours d'une vie, hein, tout ça. Pas la mienne pour le coup, écoute. Ah ouais, je suis peut-être plus modeste, hein, mais c'est pas forcément le parcours de ma vie. À la prison, toi, non bon. Écoute. J'aime bien qu'on laisse un peu tranquille mon arrière-train, d'accord. Si je puis dire poliment. Je pense que tu peux dire cul. Hein. On peut ou pas alors? On peut dire cul, oui. On peut dire cul. Bon. On peut dire le mot trou de balle. On peut dire trou de balle. Alors après, bon. Le but de l'émission n'est pas de faire une émission que sur ça non plus. C'est bien dommage. Disons que c'est une liberté de langage, mais après... Nous aurions pu faire tout un débat, je ne vois pas pourquoi se restreindre à ce mot trou de balle. Mais tu sais qu'une des stars, il cherche des émissions, hein. Si tu veux proposer une émission sur le fion. Sur le... Eh ben écoute, je prends, tu me donnes le premier créneau là. Bah Yann, enfin Théo de Indestar nous rejoindra tout à l'heure, tu peux lui en parler. Voilà. Très bien, et bah écoute, j'aurai un entretien avec lui. Très bien. De fion à fion, on se parlera. Titre. Bah là oui. Ah bah oui, mais bon. Titre bien sûr. Tu feras un film, prendre la fion. On parlait peut-être de François Fillon, je suis désolé. François Fillon, oh, c'est bien ça. Ah, et président, prison, Inception. Donc ouais, Théo et Teddy nous rejoindront tout à l'heure et puis ils se relayeront pour les improvisations en fait. Très bien. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur l'émission jusque-là? Eh ben, ils arrivent en trombe, c'est magique. Voilà. Ils arrivent en improvisation. Le salam. Les plus beaux. Théo qui s'est fait une coupe de cheveux. Assieds-toi. Une coupe de cheveux, je suis passé sous une tondeuse à gazon, simplement. Ah, c'est ça? Ouais, d'accord. Simplement. Ok, moi je pensais qu'on mourrait quand on passait sous une tondeuse à gazon. Mais non, jamais fait ça, toi. Bah, non. Bon, écoute, profiter. Peut-être que j'ai loupé quelque chose jusque-là. Oui, parce qu'en ce moment, les tondeuses à gazon sont moins utilisées, donc c'est leur c'est l'hiver ça. Et il faut qu'ils aient une autre utilité. Et c'est un peu écolo en plus, quelque Exactement. Part. Exactement. C'est écolo, bobo, tout ce qu'on veut. Ouais. Il y a Teddy qui est là aussi. Coucou Teddy. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Ça va bien Teddy? Ouais, ça va. Comment se passe le taf? Parce que toi, t'es un petit peu le fil rouge de l'émission. Ouais, je suis en vacances. T'es en vacances? Depuis le début, on a vu Teddy au chômage, qui cherchait du travail, qui avait été contacté par deux boulangeries. Qui s'était fait mal sur le clou rouillé. Oui, j'ai marché sur un clou rouillé, effectivement. Et là, il est en vacances, c'est oui, formidable. C'est toute mon histoire. C'est un peu ton émission, quelque part. C'est un peu l'émission de tout le monde. Venir. Est-ce que tu as joué à Pokémon? J'ai presque fini. Ah, magnifique. Quelle magnifique transition. J'en ai presque fini, je suis à 320 sur 400 dans Pokémon. Oh, nice. Bonjour. Ok, super, on se retrouve juste après la pause pour une improvisation sur le thème d'un service après-vente. Et on écoute Gifla avec son titre Good Vibe. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière, 21h-23h. Sur Indestar. Tout à fait, 21h-23h, on est parti avec la première improvisation de ce soir qui portera donc sur le thème du... du ouais, studio, ouais. Voilà. Service voilà. Après-vente. Faire lapsus avec le SVA, voilà. Sur le thème du SVA, ah oh ouais, ça va être fort. Donc moi, je joue Thomas. Hein. Le SVA Light. Je joue à Bobo de gauche. Ah. Thomas, toujours Bobo de gauche. On lui fait des bisous, d'ailleurs, s'il nous écoute. Bisous. Ok, donc pour cette impro, bravo Clément, j'aurai besoin de quelqu'un qui va être au SAV. Donc, je me dirige vers toi, naturellement, Rémi. Ah, mais c'est seulement à moitié drôle ce que je le vois dans la vie de tous les jours. Il faut prendre un novice, crois, quelqu'un ouais, qui est totalement loin de tout ça. C'est du racisme en fait, c'est parce que tu. En vrai, je suis noir en fait, c'est ça. Non, et puis il faut former la nouvelle génération, tu vois. Ouais. C'est soit ça, soit t'as juste peur en fait. Non, on peut pas du non. tout. Pas du tout. Vas-y, bah, moi je veux bien le faire. Non, en fait, il aurait la malformation professionnelle, il le ferait pour de vrai. Tu vois? Tu vois, exactement. Allez, vas-y. Ok, donc Fatih, tu vas être employé d'un service après-vente. Ok. Donc corrigez-moi si je me trompe, hein, mais les gens vont venir te voir pour des produits dont ils ne sont pas satisfaits. Mm-hmm. Ouais. Par exemple. Hein. Ce sera pas par téléphone cette fois-ci. Non, ce sera en vrai. Oh. donc voilà, si vous voulez parler en même temps, par contre, faites attention. D'accord, ouais. Faites attention, voilà, juste. Et puis bah, tout le monde va participer dans cette impro. Donc José, Rémi, Teddy et moi-même peut-être. On va faire des clients mécontents. Les uns après les autres. Ok. Pas content. C'est un peu ça, ouais. Remboursé. Et donc toi Fatih, tu vas essayer de faire le médiateur. Ouais. De faire en sorte que les gens soient contents quand même. Mm-hmm. Et peut-être même de leur vendre d'autres trucs en plus. Ok. Arrêtez de me regarder comme si c'était un test de la vraie vie là. C'est la radio, juste calmez-vous. Allez, vends-moi. Je vais vendre ton corps, tu vas voir mon gars. Et bien sûr, pour les clients, Rémi et José qui travaillaient à la... Faites le pire de ce que vous connaissez. Vraiment ? Ah bah oui. Ah, tu veux vraiment le pire de ce qu'on connaît ? Vous avez l'expérience autant de l'utiliser. Alors, on ne te demandera jamais si ce que tu vas faire est vécu ou pas. Mais à côté de ça, tu peux te lâcher autant que tu veux. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Tu t'en as quelques-uns de ton côté. Hein. Ah mais j'en ai des magnifiques, effectivement. Ouais. Formidable. Et bah, libre cours à votre imagination et c'est parti pour cette improvisation SAV. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. Je viens vous voir parce que j'ai acheté une imprimante tout à l'heure. Ouais. Et en fait, il s'avère qu'il n'y a pas le câble pour la brancher. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas le câble pour le brancher, quel câble exactement ? Bah, j'en sais rien, moi. Vous croyez que j'y connais quelque chose ? Bah, je pense que si vous achetez une imprimante, c'est que vous savez imprimer, monsieur. Alors écoutez, moi, je suis venu dans votre magasin, j'ai demandé à un vendeur là, ce que j'avais besoin, je lui ai expliqué. Mm-hmm. Il m'a vendu ça. À aucun moment, il m'a dit qu'il fallait que je revienne pour chercher d'autres produits. Mm-hmm. Moi, je rentre chez moi, je veux l'installer, je veux imprimer quelque chose, je ne peux pas. D'accord. Est-ce que vous avez du papier, monsieur ? Et vous me prenez vraiment pour un con ? Oui. Appelez-moi quelqu'un de compétent là parce que je vais pas me laisser parler. Mais comme je ça. Vous explique, je connais mon métier, monsieur. Concrètement, vous avez acheté un produit neuf parce qu'on ne vend que du neuf, donc forcément vous aviez forcément à l'intérieur, forcément des câbles. Vous ne savez dire que forcément en fait. Forcément. Mais du coup, vous avez bien des câbles à l'intérieur quand vous avez ouvert votre boîte, on est d'accord. Mais oui, j'ai des câbles, voilà. Mais je ne les ai pas tous. Sinon je serais pas là en fait, je serais chez moi. Vous aviez quel câble, monsieur? Mais je sais, vous voulez pas l'ouvrir là, elle est devant vous là. Si c'est devant moi, je l'ouvre. Alors, bruitage de d'où hop. J'ai pas ça. Ouais, très bien. Bah écoutez, tout est en ordre en fait. Donc c'est quoi le problème? Vous savez pas trop brancher une imprimante? Ça se passe comment? Non, là vous pouvez pas me dire tout est en ordre. Et le câble, le deuxième câble, celui de la notice là, il est où? Vous le voyez où là? Bah je le vois, il est là. Bah essayez de le brancher. Allez-y. Très bien, je branche. Clouc. C'est parce que je suis noir, c'est ça? Il y a un problème? Là vous faites exprès. Je suis désolé. Tout à l'heure, moi il rentrait pas ce câble. Oui. Vous savez qu'il y a un sens, monsieur. Un sens? Oui. Vous me prenez vraiment pour un con. Est-ce que vous connaissez l'électricité? Ok, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me rembourser en fait mon achat parce que je vais arrêter de me faire insulter de cette porte. Je vais partir et je vais aller chez votre concurrent là. Ah bah grand bien vous fasse par contre, est-ce que vous avez votre ticket de caisse monsieur? Mais bien sûr j'ai mon ticket. Ah attendez. Formidable, vous avez acheté quand l'appareil exactement? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous m'écoutez pas en fait. Non, pas du tout. C'est écrit sur le ticket là, regardez, tout à l'heure à 15h. Tout à l'heure à 15h, alors ça c'est pas le bon ticket monsieur, ça c'est votre liste de courses. Alors je vois des pampers, du lubrifiant, ok, ouais. Tenez, là. Ah ça oui, là d'accord, ok. C'est peut-être pas le bon ticket de caisse non plus monsieur. Eh ben je dois plus l'avoir, ben, vous pouvez me retrouver dans vos fichiers. Non. Comment ça non? Bah vous n'avez pas de carte de chez nous, forcément je vais pas vous retrouver. Alors vous allez me dire que vous, votre grande boîte avec tout le matos que vous avez, vous pouvez pas retrouver une facture. Alors déjà, acheté monsieur, aujourd'hui à 15h. Exactement, déjà je vais vous demander de baisser les yeux quand vous me parlez. On va se calmer tout de suite, ok? Parce que ici c'est moi qui ai le pouvoir, c'est pas vous. Sans moi, vous serez jamais remboursé. Vous allez se détendre tout de suite. Alors, je vous arrête de suite. Vous connaissez cette phrase, le client est roi. Mm-hmm. Alors si ça va pas avec vous, j'en ai rien à foutre. Moi je vais aller voir votre collègue, mais je sais que je vais obtenir satisfaction. Écoutez, allez voir mon collègue, il s'appelle Clément, vous allez le voir? Ouais, bah, je vais aller voir. Allez me chercher votre collègue Clément, okay. Là. Putain. Clément! Ouais! On a encore un gros con! Ah, ouais, j'arrive. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Bah, le monsieur il trouve pas ses câbles apparemment, il va se faire rembourser. Bah, mais monsieur, je crois faut qu'il regarder dans con. La boîte enfin le câble. Vous non, mais en fait. L'électricité, monsieur? On est à la ou c'est Laurel et Hardy là? Non, on est à la FNOUC, monsieur. Oui, la FNOUC, monsieur. La FNOUC, je l'ai annoncé en début. C'est ouais. Marqué partout. Très bien, bon bref, je demande juste qu'on me rembourse mon produit là, c'est un sketch, ça a trop duré, remboursez-moi ça. Ouais, mais la machine à rembourser là, elle est en panne, alors j'ai essayé d'appeler tout à l'heure mais c'est le bordel. Revenez dans 2 semaines et on verra ce qu'on peut faire. Non mais alors, très honnêtement, je garde tout mon calme pour pas vous foutre ma main dans la gueule. Hein. Oh ouais, sympa. Ah oui, bah très très gentil, mais comment vous dire, vous vous foutez littéralement de ma gueule, voilà, très clairement. Alors oui. Ouais, voilà, ouais, non, mais c'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. Hein. Non mais alors, je vous explique un truc, monsieur. Mon collègue Clément, que vous voyez ici présent, ouais, est beaucoup trop compétent même pour ce poste. C'est vrai. Je pense que ça s'entend au son de sa voix, en fait. À la base, moi, je voulais être ingénieur, mais ils n'avaient plus de place. Voilà, donc forcément, il s'est retrouvé à la FNOUC. Voilà. Donc, le problème, en fait, que vous avez, monsieur, c'est que vous voulez vous faire rembourser, sauf que moi, j'ai pas envie de vous rembourser parce que vous êtes un gros con. Donc, à partir de là, rien n'est possible. Donc, je vais vous demander de vous diriger gentiment vers la sortie et de baisser les yeux. Merci. Ouais, connard. Ça va pas se passer comme ça, je vous le dis. Ah bah si, regarde, bam. Client suivant. Bonjour, je suis ébéniste. Oui, bah écoutez, grand bien vous fasse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai de l'or dans les mains. Mm-hmm, c'est bien. Je travaille le cuir aussi. D'accord. Alors le rachat d'or, monsieur, c'est au magasin d'à côté. Je cherche le relais. Le relais pour relayer. Le relais. Mm-hmm. Mm. Oui, bah écoutez, c'est ici même. Merci. Bah, je vous en prie. Ah, y a un autre client qui arrive. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens pour faire rembourser un jeu vidéo que j'ai acheté chez vous. Oui, est-ce que vous l'avez terminé? Ouais, mais il me plaît pas trop, puis il est moins cher à côté. Vous l'avez ouvert? Peut-être. Peut-être. Vous n'avez pas de blister en fait. Vous me dites que vous l'avez terminé. Donc forcément, vous l'avez ouvert, vous l'avez fini, vous les essayez de vous faire rembourser un jeu. Oui, mais parce qu'il est moins cher à côté, du coup. Bah voilà, vous me le remboursez, comme ça je me l'achète moins cher, comme ça j'ai 15 balles d'économiser. Ouais, ou alors je vous dis d'aller vous faire voir gentiment. Dans le respect, bien sûr, je respecte le client. J'ai vu un mec tout à l'heure sortir, il avait pas l'air très content, alors le respect, je pense que vous mettez dans le cul. Ah non, mais lui, c'était un petit con, il cherchait la merde. Ah ouais, d'accord. Oui, attends, mais moi je suis gentil. Ah oui, mais voilà. Vous êtes regardez le jeu en plus. Vous avez vu ce jeu-là? Oui, magnifique jeu, ouais. En effet, ouais. Fortnite. Non, c'est pas Fortnite. Regardez, j'ai confondu. Pokémon. Voilà, c'est Pokémon. Ah, c'est Pokémon. Voilà, donc vous pouvez très bien me le rembourser. Ça, on est entre amis. Entre frères, ouais. Voilà. Ouais. Non. Non. Bah, j'aurais aimé en fait, mais le problème c'est qu'il y a pas, la cartouche dedans. Là, et si je vous la cartouche. Mais pourquoi gueule, vous l'avez ouvert? Bah, la cartouche, bizarrement, elle s'est retrouvée dans ma poche en fait, donc je peux rien faire pour vous. Ah mince. C'est con. Quoi? Mais attendez, vous essayez de m'arnaquer. Ah, vous avez commencé, monsieur. Ouais, c'est vrai. je sais pas ce que je vais faire. Ah, attendez, y a quoi là-bas? C'est un culbuteau qui vole. Ah oui, ah, où ça? Hop. Ah non, il prend l'objet et pas en courant. Reviens. Enculé. Monsieur, bonjour. Ah, bonjour madame, désolé pour le langage grossier. C'est pas grave, je suis habitué. Alors, j'ai acheté Mario à mon petit-fils. Ouais. Et il m'a dit que ça marchait pas sur sa PlayStation. D'accord, vous êtes sûr que c'est une PlayStation, madame? Oui, j'ai acheté Mario à mon petit-fils sur PlayStation, et il m'a dit c'est une cartouche, ça marche pas dedans, alors moi je veux Mario sur PlayStation. Alors je vous explique un truc, madame, Mario sur PlayStation, ça n'existe pas. Bah, enfin, monsieur. Oui, madame. Mon petit-fils, il peut jouer à Mario sur PlayStation, il est pas plus con qu'un autre, quand même. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'un autre... Mais je ne finirai pas cette phrase. Ah bon? Mais cependant, en dépit du savoir du pourquoi, du comment de la PlayStation, j'ai envie de vous dire que forcément non. Si vous me comprenez. Mais enfin, il a une PlayStation. Je juste le jeu Mario là. Oui, bah écoutez, madame, je peux vous vendre autre chose, par exemple une Nintendo Switch pour jouer au jeu Mario. Le jeu Mario n'existe pas sur PlayStation, madame. Ah bon? Eh ben, je vais être remboursé, alors. Bah, commence à me casser les couilles, celle-là, hein. Oh, c'est bon, la merde. Quel chien, la con, là, toute la journée, là, putain. Bon, moi, c'est la pause déjeuner, j'y vais, hein. Allez, salut. Non, t'as encore un autre... Ah non, je veux dire, c'est pas encore, c'est dans 10 minutes, merde. Bon, oui, alors, madame, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Faut vous me casser les couilles, là. Non, c'est bon, je m'en vais, monsieur, vous criez trop fort. Cassez-vous, ça va vieille, là. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, je viens vous ramener le PC parce qu'il y a un problème, là. Ouais, quel est le problème, monsieur? Bah, vous m'avez vendu là le PC là. Et c'est bien beau ça, mais je mets quoi moi si j'ai pas le gobelet? Le gobelet? Bah ouais, là quand on appuie là, il y a le porte-gobelet qui sort. Le porte-gobelet? Bah oui, le porte-gobelet. Bah écoutez, monsieur, c'est ce qu'on appelle un lecteur CD, mais au pire, si vous voulez, je peux vous vendre un gobelet. Et pourquoi je mettrais des CD dans mon PC? Bah, vous de me le dire. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez soif, non? Je sais pas. Bah oui, si j'ai pas de gobelet, mais je peux pas boire. Oui. Bah après, j'ai envie de vous dire, je peux vous vendre aussi une machine à boire, si vous voulez. Ça s'appelle une machine à boire, oui. D'accord, mais on m'avait pas dit ça quand j'ai acheté le PC. Bah le PC, c'est fait pour faire du PC, monsieur. C'est pas fait pour poser des gobelets. Donc est-ce que vous êtes en train de me prendre pour un con, vous aussi, ou quoi? Je sais pas que ça a à foutre. Bah non, mais moi, je veux juste comprendre. Je comprends pas. Ah bah ça, je vois ça. J'ai appelé vos services hier déjà, ça a duré une 20 demi-heure là. Je comprenais rien, ils me demandaient d'aller ouvrir la fenêtre, j'avais froid, il se passait rien. La fenêtre? Ah! Ensuite il m'a dit, vous prenez vos dossiers, vous les mettez dans la corbeille. C'est ce que j'ai fait, mais après je les retrouvais plus. Monsieur, est-ce que vous êtes déjà servi d'un ordinateur dans votre vie? Bah non, c'est pour ça que j'en achète un. J'en étais sûr. Clément ! Ouais, quoi ? Tu peux t'occuper du monsieur ? Ouais, monsieur. Le problème, c'est quoi ? C'est le PC ? Faut tout que je vous réexplique, là ? Oh non, mais faites-lui la version courte, hein, parce que sinon, on y est encore demain. Bon, votre collègue me dit qu'apparemment, c'est normal qu'il n'y ait pas de gobelet avec le PC. Ouais, non, mais si, tu sais, les vieux, ils pensent que le lecteur CD, c'est un porte-gobelet. Ouais, mais ils sont cons, les vieux. Bah oui, ils sont cons, mais... Ils sont cons. Si, monsieur, qu'est-ce que vous dites ? Pour le porte-gobelet, faut juste appuyer sur le côté, là, du PC, il sort, et voilà, c'est bon. Bah, c'est ce que je fais, mais j'ai pas le gobelet. Ouais, écoute, Clément, vends-lui un mug, vite fait. Prenez le mug pour... Ouais, voilà, je vous vends un mug, juste 5 balles, et voilà. Et puis pour le reste, allez regarder des tutos sur YouTube. Et on peut l'essayer, là, pour être sûr qu'il marche ? Le mug, ouais, non, il marche, je le connais, celui-là, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes sûr ? Oui, ouais, on est sûr, il marche. Oh, putain. Bon, allez, on va bouffer, là. Bon, allez. Merci beaucoup pour cette improvisation, c'était bien chouette. Totalement what the fuck. Oh, le coup du porte-gobelet, excellent. Bordel. L'employé connard du SAV. Alors, je tiens à dire que il y a eu du bon, il y a eu du très mauvais. En tant que SAV, représentant de la FNUC, vendeur SAV, je ne sais pas si je te recommanderais. Alors moi je tiens à dire un truc, c'est que le coup du porte-gobelet apparemment c'est vraiment arrivé. Ah ouais ? Non, je pense qu'on va pas rentrer dans les détails. Non, parce que on ne sait jamais, peut-être que cet homme est un auditeur. C'est auquel cas, monsieur, je vous respecte et je vous respecterai toujours pour cette expérience que vous m'avez fait vivre. Et on vous fait des bisous au nom de toute l'émission. Voilà. Et bah super, avant de passer à l'autre improvisation qui traitera de piliers de bar... Ah, ça, on connaît bien ça. Ah, voilà. T'étais. On va écouter Lone et Louis avec une cover de plus tard de Big Flo et Oli. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, jusqu'à 23h, on est ensemble pour cette émission d'improvisation scénarisée. Comment ça va depuis tout à l'heure, les gens ? Fort bien. Ça va. Très très bien. Très très bien. Ouais. Pamplemousse. Oh, oui. Pamplemousse. Pamplemousse, très bien. Rose. Je dirais saumon. Saumon, d'accord. Même c'est pas rose. Somousse. Formidable. Pokémon d'eau. Somousse. Ok, on est reparti après cette excursion au SAV avec une improvisation qui va s'appeler les piliers de bar. Je vais avoir besoin de deux personnages, de deux piliers de bar. Oh, chaud. Ça, il y a moyen que je me dévoue, je veux dire. C'est chaud, Rémi. On parle d'une expérience que je connais de la vie de tous les jours. C'est sur l'humain. Sur son CV, il y a écrit pilier de bar. Voilà, exactement, c'est quelque chose que je mets en avant. Chez moi, c'est écrit pilier. Donc j'ai besoin de... Alors Rémi, du coup, et qui d'autre ? Ah, moi, je veux bien, mais je viens de le faire. Ouais, mais ça tourne, hein, et puis il y a des rôles pour tout le monde. Donc, Fatih, je t'avoue que j'ai très envie de te voir faire le pilier de moi, bar. Moi, je pense qu'on peut faire une petite impro de 5 secondes, genre une seule phrase, ouais, en mode bourré, et on voit qui est notre meilleur bourré. Ah, c'est bien ça. Eh. Vas-y, alors Rémi commence. Attends, bourré ou pilier de bar ? Faut savoir. En général, le pilier de bar passé 21h est déjà plus très net, tu vois. Ok. Vas-y. On t'écoute. Eh, Didier, moi les mêmes que d'habitude, la TTI. La TTI. Merci. Vas-y, Fatih. Moi, j'aime bien. Ouais. Bon, Jaja, j'aime bien. T'es dit Bernard. Cet homme est en train de mourir. Décède. J'ai pris quoi avant ? Ouais, bah, ouais, resserre-moi la même chose, c'était pas mauvais. T'as dit comment ? De la bière sans alcool ? Ouais, vas-y. Ok, on est sur pilier, la bière sans alcool. Très bien, très bien. Du petit pilier. Alors, José, pilier. À toi. Je me tourne vers José. C'est comme ça. Alors, José, j'ai envie de dire que c'est formidable qu'on y croit complètement. Mais qu'en même temps, à la radio, c'est chaud de faire une toute une improvisation comme ça. Ah ouais, c'est clair. Tu gardes le ton avec un peu plus de syllabes et de voyelles. Regardez, je peux être le gars qui regarde les piliers de bar. Si tu veux. Le stalker. Et qui se masse. Donc, pour le début, il y aura donc une conversation animée entre ces deux piliers de bar qui sont deux amis de longue date, donc Rémi et Fatih, du coup. Et j'ai besoin d'un barman, bien évidemment, le compère. Ouais. José. Oh, tu peux retirer le père, hein, pour le coup. Ouais. Attends, je fais le... Tu fais pas le fist. Alors là, là vous manquez, manquez un jeu d'acteur qui est juste avec deux doigts là. Comment vous dire que je suis entre très le entre le fist et le nettoyage de verre. Je suis très content de pas avoir la vidéo dans mon émission. Je savais que c'était une bonne idée. Et Teddy, ouais. Je te demandais de faire le fist d'un des deux piliers de bar. D'accord. Ah. Sur sa feuille, il y a écrit sa fille. Ouais, mais là j'ai pas de fille. Tu peux faire une fille si tu veux, mais on va faire la fille transgenre. 21h, je suis bourré, je veux bien, mais je peux encore dire que tu es un homme. Je. Tu pourrais hésiter. Donc, de qui est-ce que tu veux être le fils, Teddy? Bah, de Rémi, du coup. C'est des... Oh merde. Il sait plus s'il est fille ou un fils. Oh merde. Je t'ai fait avec maman. Oh merde. Donc, avant de commencer, je vais vous donner des petits prénoms de piliers. Donc, Rémi, tu vas t'appeler Gérard. GG, dit GG, voilà. Dit GG. Et Fatih, je sais pas trop. Bernard. Bernard. Ah non, Bernard, c'est soit chasseur, soit pilier de bar, de toute façon. Est-ce que je peux juste changer de prénom? Oui, tu peux. En dédicace à quelqu'un. Vas-y, vas-y. J'aimerais m'appeler Christian. Tu peux t'appeler Christian. D'où le cri-cri. Cri-cri, ça fait très bien. Cri-cri, c'est. Voilà. Dédicace à la personne qui reconnaîtra. Moi, ça. Je voudrais juste changer de nom, je voudrais m'appeler Madonna en dédicace aussi. Est-ce que c'est possible? Non, c'est possible. Tu fais un surnom, tu te fais appeler comme ça, il n'y a pas de souci. Mado. Avec l'accent. Ah, ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va commencer, vous êtes en train de boire des coups et de parler avec le tavernier. Ok, laisse-moi juste chercher ma voix de bourré et on est bon. Oh bah tu l'avais tout à l'heure. Ah mais c'est tout un art. Ah là là. Et donc toi, Cri-Cri, hein, c'est ça? Cri-Cri. Tu as ramené ton fils pour lui inculquer les bonnes valeurs des piliers de bar. T'en fais un petit peu ce que tu veux de ton fils. J'ai cru que je vais aller le chercher parce qu'il était trop torché. C'est l'initiation. On va lui apprendre. Ouais, l'initiation, j'avoue. Est-ce qu'on est prêt? Ouais. C'est alcool lent. Bah, c'est parti pour ce type d'émission. Titre d'improvisation formidable, improvisation qui s'appelle Alcool Land. Oh, y a pas à dire, hein. Franchement, le premier verre de jaja, c'est toujours meilleur. Ça dépend, le deuxième il est bon aussi. Hein. Ouais, le requin il tabâche toujours, hein, tu vois, mais j'aime bien, ouais. J'aime bien. Bah. Papa, elle est jolie la fille qui vient d'entrer dans le bar. Tu crois que je peux pécho? reste dedans. Titre. Écoute, tu vas bien, mon petit. Si je dois choisir, c'est l'alcool ou les filles? Ah merde. Oh bah c'est ballot. Mais l'alcool j'ai pas encore bu. Justement c'est pour ça que t'es là ce soir. Ouais. Ah ouais bon bah tant pis. Boire ou choisir, il faut choisir. Ah ouais mais comment on fait pour rentrer? Il prend quoi le gosse? Papa aide-moi, je prends quoi? Tu nous mets la même chose que hier soir. D'accord. Triple scotch? Peut-être. Du scotch? Ça se boit ça? Bien sûr. Tout ce qui s'enforce, ça se boit. Je sais pas, je l'utilise pour mes feuilles. Ouais, enfin. Ça va te faire du bien, tu vas voir mon fils. Oh, il est con ton fils, il aime bien, moi. Ben, je sais, c'est pour ça que je l'ai ramené. Il faut lui faire pousser un peu les poils sur le torse parce que j'en ai marre. Eh, mais j'en ai quelques-uns, hein. J'ai beau avoir 14 ans, regardez. Hein. J'en ai deux, trois. Il est pas mal ton fils. Alors, hein. Justement, je vais vous demander d'apprendre à cet enfant qui ne sait rien, manifestement, d'apprendre à draguer à cet enfant. Ah. S'il vous plaît, c'est à part. Ouais, attends, mais moi je vais lui apprendre à draguer à ton gamin, là, tu vois. Alors, tu sais comment tu fais pour séduire une femme ou pas? Alors, tu payes un verre? Non. Alors, le verre c'est toujours pour toi. Ah oui, d'accord. Tu fais comme ça en fait, tu vas dans la nuit, tu vois. Tu vas suivre dans la nuit. Tu vas suivre bien dans la nuit, tu vois. Tu t'arrives derrière elle, tu vois. Tu commences à respirer à côté d'elle, tu vois. Mais elle va pas avoir peur? Mais non, laisse-moi t'expliquer, gamin, tu connais pas la vie. Ou t'arrives derrière elle, tu vois. Tu commences à respirer dans son cou, tu vois. Bien, et puis. Puis d'un coup, tu la regardes, tu fais ah! Et je la mords? Non, si elle tombe par terre, c'est que c'est bon, c'est gagné. Tu peux la ramener chez toi. Ouais, ça me rappelle quand j'ai rencontré ta maman. Ah ouais, ça s'est passé comme ça? Ouais. Mais je croyais que c'était un dîner aux chandelles. J'ai peut-être un peu trop bu, je me souviens plus. Je vais vous demander alors de faire un flashback et on va revenir au moment où toi, Cri-Cri, tu as rencontré ta femme. Et ta femme va être jouée par José, s'il te plaît. C'est belle, ma femme. Dans un bar, toujours. Dans un bar. Alors non, par contre, tu n'es plus bourré, là, du coup. Ah, t'es plus bourré. T'es toi, 20 ans avant, tu as 20 ans, tu es fringant, et voilà. Bah si, il a dit qu'il t'est foncé. Oh, si, tu peux te bourrer, ouais. C'est pas encore quitté. Enfin, il a su. Tu ne m'as pas encore quitté, c'est-à-dire que je suis encore un gentilhomme. D'accord. Voilà, mais t'es bourré un peu, oui, en effet. Mais t'es un gentilhomme, mais t'es bourré. avec une voix. Ok, je te garantis pas, non, t'inquiète pas le succès de cette opération, mais. C'est reparti. Je suis un peu ému, je sais pas trop quoi dire. Moi non plus. Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas, écoute. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose. J'ai chaud, je suis là, je suis comme un cochon. Ça doit être le curry. Ah oui, t'as sûrement raison. T'aurais pas dû prendre du curry. Je vais retirer mon pull, là, je retire mon pull. Ah, il fait chaud dans la pièce, là. On revient à l'époque actuelle et tu vas expliquer à ton fils les vertus du curry pour séduire. S'il te plaît. Mon fils, je me souviens, la meilleure astuce, si tu veux séduire une femme, tu lui prends du curry. Elles ont chaud avec du curry, tu peux tout voir, c'est japote. Ah ouais? V. Ah ouais? Mais attends, ils font du curry au bar, tu crois? Parce que sinon, j'essaie d'inviter la fille. Hein. Laquelle? Celle qui est là-bas dans le coin là? Ouais, celle qui a une trentaine de piges. Non, mais mon fils, écoute, faut que je te parle de père à père. Je t'aime, t'es mon fils. Mais là-bas, c'est un avion de chasse, c'est un 10. Toi, t'es un 2. Tu tapes un peu trop fort, là. Ah merde. Ouais, mais c'est pas grave si elle mange du curry. Ouais, tu bois quoi, le petit, là? Alors, du coup, le père, tu vas essayer de faire ton rôle de père et d'encourager ton fils à aller voir cette dame dans le coin. J'en étais sûr. Bon, en même temps, c'est maintenant ou jamais. Hein. Bon, tu la regardes droit dans les yeux. Oui. Tu te perds surtout pas. Tu la charges. Tu t'arrêtes surtout pas, sinon tu vas hésiter, tu vas avoir des doutes. Tu t'arrêtes pas. Tu te dis que tu peux le faire, même si c'est pas possible, tu peux le faire. J'ai fait un peu de rugby, je sais charger. Alors, tu fais comme le rugby, sauf que t'oublies la partie plaquage. Parle-lui de la décharge. La quoi? La quoi? Bon, je te sers autre chose. Est-ce que vous faites du curry, monsieur le barman? Non. Non? Ah, je fais pas bon. Curry. Ça va être compliqué, là, du coup. Chose. Il me faut un autre truc que le curry. Non, allez, il faut que tu y ailles, vas-y, on fait avancer l'impro, on y va. Ok, bon allez, t'y vas, tu la regardes dans les yeux et surtout, tu lui dis que tu la trouves très bonne. D'accord. Allez, vas-y. Le fils y va. Et du coup, on va avoir les commentaires des deux piliers de bar qui vont commenter tout ce que va faire le petit gamin. C'est parti. Ouais, elle est en train de commencer son approche, au mieux, moi. Bon gamin, ça. Il va se casser la gueule, là, je le vois, non, il est hésitant. Essaye d'y croire un peu, c'est ton gosse, là. Regarde comme il a fière allure. En même temps, t'as vu la gueule? Oh, c'est bon, il a dit qu'elle est bonne, là, c'est bon. Je crois que j'arrive à pécho, mais c'est bon. Elle a quand même l'air de vouloir partir, là. Ah, elle fait des signes avec les doigts, là. Est-ce que c'est un doigt ou quoi? Je comprends pas, moi. Je comprends rien aux bonnes femmes, moi, putain. Écoute, j'ai du mal à voir, il y a mon fils qui est devant, là. Tu veux boire un coup avec moi? Oh, ouais, elle a dit que tu préfères pas un verre avant. Je sais pas, j'entends pas. Ouais, attends, il a l'air con ton gars. Il est con, il s'est dit de sa mère, mais ça a l'air d'être bon là. Attends, je vais la rappeler au cas où. Ah, maman! Reviens! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'elle est enchantée. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle me fait des signes bizarres avec les doigts, pareil. Ouais, ça veut dire elle veut des doigts ou pas? Je sais pas en fait. Oh, j'ai bien, j'ai un bon gamin, genre. Bon bien. Je vais passer derrière elle et je vais souffler dans le cou pour voir si elle tombe. Ouais, puis je lui crie dessus et si elle tombe par terre, c'est bon. C'est venu. Merci beaucoup pour cette improvisation tout en finesse. C'était formidable. Écoute, moi je sais pas, c'est ma technique dans la vie. Ouais. C'est comme ça que j'ai du succès. Ah non, bah formidable. Bah, avec ton fils. avec mon fils. Si les générations futures nous écoutent. Faites tout sauf ça. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette impro. On se retrouve tout de suite après pour une improvisation qui parlera de politique un petit peu. Et en attendant, on écoute Noctambule avec sa chanson I Found You. C'est un remix. A tout de suite sur Indestar. C'est quel bouton? C'est là. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h. Sur Indestar. Et c'est reparti pour une improvisation sur la politique. Un petit mot, Fatih? Un petit mot. Il a utilisé la fameuse technique du je mets tout dans la bouche. Fameuse technique. Parce alors que nous parlons bien évidemment de gâteau au chocolat. Bah oui, bien sûr. Tout autre aliment. En tout bien, tout honneur. Tout autre chose serait déplacée. Non, parce qu'on n'a pas le droit de ni manger ni boire dans le studio. Mais Fatih, donc, voilà, s'en fout. Non, mais quand on met dans la bouche, on a le droit. T'as le droit dans la bouche, c'est autorisé. C'est vrai. Est-ce qu'on peut vraiment se recentrer sur le débat, là? Parce que je sens qu'on s'éloigne, là. Non, mais si tu vois des sous-entendus partout, enfin. Bon, il y en avait partout. T'as été bon, le gâteau, quand même. Ça passe bien, hein. Ah, c'est bon, bah, j'en ai pas mangé. Chocolat, là. Bam. Bref, on n'est pas là pour parler de gâteau. Peut-être une émission culinaire plus tard. Un jour. Mais on est là pour faire une improvisation qui s'appellera Un président au pif. J'ai écouté une capsule de François Pérus, c'est ce qui m'a donné l'idée pour cette improvisation. Qu'est-ce qui se passerait si un mec au pif était élu président? Ben, idiocratie. Idiocratie, ouais, un peu. Bon, on va voir ce qui se passe avant, justement. Voilà, ils ont déjà fait le projet, c'est un film. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un. Ben, José, tiens. Tu as la tête d'un président, José. Ici, c'est une dictature, c'est un régime. Il n'a pas encore dit président. Je suis travail pour tout le monde. Alors, je vais le dire, du coup, José, tu vas être élu président. D'accord. Parce qu'un peu au pif, comme ça, c'était pas forcément ton but, mais voilà, maintenant, t'es président. Oh, quelle chance. Et tu vas devoir assurer. Donc, je vais te demander, au début de l'improvisation, de faire un espèce de petit discours de victoire. Et tu vas voir ton attaché de presse avec toi qui va être... personne te... Teddy ? Vas-y. Ah, Teddy, il est chaud. Ouais. Donc Teddy, tu vas être un petit peu... Tu vas être l'aide. L'aide, d'accord. L'aide de José, c'est-à-dire que si... Si il sait plus quoi dire, tu vas dire, ouais, parle de la politique, ouais, machin, ouais, frontière, ouais, tout comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et, tout comme il a dit. Un petit peu une béquille, hein, techniquement. Non, mais stop. Donc voilà, au début, tu vas faire un petit discours présidentiel, et après, je vais te donner des petites situations. Avec vous deux, là. Facile, quoi. Facile. Ouais, c'est clair. Hésite pas à demander à ton attaché de presse, hein, si tu galères. Ceci est mais, un scénar de Marc Dorcel. Oh. Quoi? Mais non. J'ai même pas vu le sous-entendu, là. T'as pas dit président de quoi, hein. Président de la République française. Ah, voilà. Ah. C'est bon pour tout le monde? Oui. Je t'introduis, si tu veux. Ouais, je décède. Titre. Ah oui, introduis-toi. Introduis-le, Teddy. On est prêt. Titre. Et c'est parti, un président au pif. Alors attends. Voilà. Merci, merci. Enfin, c'est pas moi, mais merci quand même. Merci pour notre cher président qui arrive de tout de suite. Ouais, il va vous faire un petit discours. Ouais, voilà, on l'applaudit. Merci. Merci d'avoir fait ce choix aléatoire de me choisir. Je pense que je saurais représenter la population au moins locale, peut-être nationale. Ah oui, je confirme. En tant que futur président de la France. Et après, je dis quoi? Et ben après, normalement, vous êtes censé parler de votre de ce que vous allez faire pour la France. Genre les gilets jaunes et tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire contre eux? Oui, on en a parlé, c'est vrai, c'était un choix démocratique. Les fameux gilets, les gilets jaunes. Donc, je pense que tout le monde en a marre. Ça vous arrache la gueule. Et c'est quelque chose que je vais abolir définitivement de notre pays. Ouais. Très bon programme, monsieur le président. Et après, il y a un autre truc sur les... Je sais pas, vous avez pas parlé de les bombarder? Les bombarder, oui, les bombarder, les trains. Les trains bombardés, bien sûr, on va en faire plein. Non, bombarder les gilets jaunes. Bombarder les gilets jaunes. Ouais, vous voulez les faire expulser du pays ou... ou s'ils veulent pas, on les tue. C'est simple que ça. Mais il faut dire ça politiquement, bien sûr. Je vais y réfléchir. Je pense qu'on fera un vote là-dessus, voir si on va bombarder les gilets. D'accord. Sinon, on pouvait parler de l'écologie aussi. On avait dit qu'on planterait des arbres partout. L'écologie, c'est super. Ouais. Je trouve que c'est super. C'est ouais, vert, c'est de l'oxygène. Ça, c'est notre président. C'est ça. Et je vais détruire, je vais remplacer Paris par une grande forêt. Ouais. Et on y mettra des Brésiliens pour animer le tout. Merci beaucoup. On change d'environnement puisqu'on va passer à un conseil des ministres. Donc tu es toujours président. J'ai demandé à Rémi de faire un ministre de l'Intérieur. Je ne dirai rien. Tu m'as tendu une perche, mais je ne dirai rien. Fatih, je te demandais de faire ministre de l'écologie. De l'extérieur. Juste dehors. Okay. Et Teddy, ministre de l'éducation. Il est pas drôle celui-là. Non, pas vraiment. Et donc les ministres, bien sûr, vous allez avoir des requêtes à formuler au président de la République. Vous allez lui dire et il va vous répondre qu'on n'a pas de thunes, n'importe quoi d'autre. D'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bah tu me mets dans la merde parce que je sais pas du tout ce que fait un ministre de l'Intérieur, mais on va être bien quoi. Tout ce qui est la sécurité du territoire. Ah les CRS et les gilets jaunes, c'est pour toi. Voilà, ben voilà, elle fait de société quoi. Bon bah vas-y, c'est parti. C'est reparti et c'est reparti. Et donc, bon, avant de finir la réunion, je pense que vous avez sûrement quelques questions. Ah oui, oui, totalement, j'en ai plein. Jean-Eudes, donc. Oui, effectivement. Donc moi, comme vous le savez, je suis votre ministre de l'éducation. Ah oui, c'est vrai, de l'éducation. Bah oui. Oui. Ah, j'ai oublié, on change souvent. Hein. On fait les chaises musicales, des fois, ça nous arrive. Vous avez été choisi aléatoirement aussi, vous? Plus ou moins, ouais. Voilà. Je mais comprends. Bon, là, l'éducation, ça va mal. Il nous faut des nouvelles écoles, donc il nous faut plus de budget pour ouvrir des écoles et des lycées. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir du budget? Alors, j'entends ta requête. J'entends réellement ta requête. Je l'entends, j'espère l'écouter. Vous n'êtes pas sourd, c'est déjà ça. J'entends et c'est compliqué le budget aujourd'hui, tu vois. Ah bon? On me donne le choix. Si on me donne le choix entre l'armée et l'école, il faut choisir quelque chose qui peut être utile pour le pays. Ah, c'est vrai que les gilets jaunes, ils nous cassent les couilles. Hein. Je crois que le ministre de l'Intérieur, il va piquer un peu dans le budget prévu pour les écoles. Mais bon, si c'est pour ça, j'accepte. Je laisse ma place. Mais sinon, monsieur le Président, je me présente Jean-Eudes, deuxième du nom, ministre de l'écologie. J'avais une question par rapport au fait que vous devez choisir entre l'armée ou l'école. Alors moi, ce que je pourrais vous proposer d'intéressant, ce serait d'armer les écoles, en fait. Comme ça, on pourra avoir le meilleur des deux mondes, quelque part. Et ouais, puis, mais faut un format éducatif pour ça. Bah, ça permet de réguler la démographie, en fait. Donc, c'est plutôt intéressant, quelque part. Mais qui va leur apprendre à tenir les armes? Moi. Vous pouvez pas être dans toutes les écoles. Non. Si je puis me permettre, là, en fait, tu cites les gilets jaunes. Donc, en somme, je pense pas que ça soit le plus intéressant. Vous me tutoyez. Bah oui, on a mangé avant, t'es con. Ah, c'est vrai, Dédé, putain, excuse. on va arrêter avec les deux fanfarons du coin. Là, faut vraiment faire quelque chose pour les gilets jaunes. Hein. Mm-hmm. Place Italie, là, ils ont encore tout cassé. C'est plus possible. Hein. Faut arrêter d'autoriser ces rassemblements. D'un côté, je vais te dire que c'est toi le ministre de l'Intérieur. Donc, je m'en balèque, gros. Je peux pas te gérer les problèmes. Et après, on voit. Merci beaucoup. On va passer à une autre petite situation. Toi, donc, José, toujours, tu es président, toujours. Et tu vas te retrouver face à ton homologue russe. Poutine, ouais, par exemple. Ou Patine. Je vais demander à quelqu'un de faire Poutine. Alors, sachant qu'il va parler en russe et qu'on va rien comprendre. Non, mais non, regarde totalement pas, russe hein. Ou russe avec un accent français. Alors, russe complètement. Et je vais demander. Français avec un accent alors, russe. Laisse-moi finir. Et je vais demander à quelqu'un de faire Poutine qui va parler en russe, bien sûr. Et en gros melon. Il va y avoir un traducteur à côté qui va faire la traduction de ce que dit Poutine. Moi, je veux bien faire le traducteur. Ok. À la Laurent Dutch, un peu. Qui sait faire un petit peu l'accent russe en gros melon, on s'en fout. Hein. Pas tellement, mais je peux tenter. Au pire. Fatih, c'est dans tes origines, non? Oui. C'est vrai que ma peau caramel vient de là-bas. Donc. Exactement. Et toi, tu fais le langage pour les. Pour les sourds et muets. Voilà. À la radio, oui. Pas pour les muets. pour les sourds, à la radio. Très très bien. Non, fais ça, Teddy. Attends, c'est quand que je dois faire un discours? Alors, toi, tu parles et moi, je traduis ce que tu dis. Là, directement. Alors, non, okay. Non, c'est pas un discours, c'est un entretien entre toi, Poutine, et puis le président. Et José, président français. Okay. Voilà, vous avez où dire, la sécurité du territoire, donne-moi de l'étune, tout ça. Voilà, okay. Et c'est parti, on est à l'Elysée dans un bureau et le dialogue commence. Salut Vladi. Monsieur le président vous dit bonjour. Eh bien, bonjour Vladi. Comment vas-tu? Là, je suis désolé. Arrête. Alors j'arrête. Je sais pas faire le russe. Mais c'est pas du russe, c'est pas. Du Oompa Loompa. Je connais pas, moi. Enfin, je connais, mais j'arrive pas. Le mec, il fait Charlie à la chocolaterie. Quoi. Tu sais que j'ai même pas vu le film en plus. Hein. Alors Teddy, je vais te demander de prendre le relais. Le président. Je te demande pas grand chose, juste de pas rigoler tout. Juste de faire mieux que moi, c'est pas dur. C'était très dur de garder mon sérieux quand t'as ça de l'autre côté. Bien sûr, mais je te comprends. On y retourne avec Teddy. Putain. C'est reparti. Das Vidania, Dags Mag Dlaglov. Le président vous dit bonjour. Eh bien, bonjour. Deux fois. Il y a un problème avec la traduction? Comprends pas? Bah, pas parler français? Je comprends le français, d'accord. Dame Glad. Vodka. Le président vous dit qu'il aimerait accueillir avec un verre de vodka la prochaine fois. Bien, bien, je prends, mais je pense que le plus important, c'est de parler des droits de l'homme dans ton pays. Et après, on ira boire un coup. Cosmova ! Parlons des tiens d'abord. Les miens vont très très bien, tu sais, Vladi. Les miens, je les mets pas en prison. Golov. Paquet de 30. Golov. Magledo. Sandego. Écoutez. C'est japonais ça. Avec votre pays en crise avec les gilets jaunes, vous n'avez pas à nous dire comment faire. C'est juste comme des petites fourmis. Donc c'est bon, ça va passer, c'est quelque chose qu'on traite actuellement avec Dédé de l'intérieur. Le président russe sort une arme de sous la table. Ah carrément quoi. Travail. Gilet jaune. Bam. Tirez sur les gilets jaunes. Attends. Je crois qu'effectivement il veut désimer des gilets jaunes. Ah merde, j'avais compris qu'il voulait tirer un coup en fait. Oh. Comment on dit oui en non. Je crois qu'il vient de dire da. On dit da. D'accord. D'abord. Ah oui, d'abord. Ça se négocie. Ouais. Ça se négocie. D'abord. Ouah. Écoutez, comme vous pouvez le voir, j'en ai marre de traduire pour cet abruti. Ok. Bon, Desbolov, hey, gilet jaune. Non, gilet jaune, Vladi, je peux rien faire sur les gilets jaunes. On est en France, là. Nous, on a des droits, tu vois. Ah. C'est pas comme chez toi, hein. Dès qu'on est... Sonniette. Je crois que je vais vous laisser, hein. Je n'ai plus besoin d'être ici. Et après cet entretien, on retrouva Vladimir Poutine dans les rues en train de tirer sur les gilets jaunes. Merci pour cette improvisation. Tout seul comme un con. On vient de se mettre toute une population à dos, mais c'est bien. Ça. C'est extrêmement cool. On je fait suis désolé bisous, pour ce massacre de rue de japonais, russes, hein, bien sûr. De toutes les langues que j'ai trouvées. Sans faire exprès. Melting pot. Oui. On peut pas inventer du russe comme ça. Bon, tu veux, bon. Ah, merci, tu vois qu'on peut pas. Ouais, mais toi, tu parles en français. Gabonang, mon gars. D'accord. Ok, tu sais le faire. Moi je l'ai pas le russe. Mais moi je l'ai pas du tout. Non, mais moi je peux te faire le faux japonais si tu veux, mais le russe je peux pas. Mais le pire c'est que t'as réussi tout à l'heure. Juste le truc qui fait que tu rates, c'est que tu te marres comme une baleine dès que t'as fini une phrase. Ouais, ça c'est pas faux. ne discrimine pas les amphibiens. Non, déjà. Les amphibiens des baleines, bien sûr. Bien sûr. Mammifères, amphibiens. Oh, alors vous êtes bien sûr, c'est pas sorcier. Alors nous avons appris. Que... Alors, Jamy. Freud et Jean-Mi, de retour. Nous avons appris que la baleine est un amphibien. Après cette découverte incroyable, juste après la pause, on aura un petit débrief. Donc voilà. On vous laisse avec Kina Grannis qui nous interprète son titre Gone. À tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Tout à fait, 21h-23h, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Merci de nous suivre si vous nous on suivez. On n'est même pas tous ensemble. C'est vrai, il y a. C'est qui? C'est José qui est parti aux toilettes. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la relance. Lui fait des bisous. Ouais, c'est la relance de l'émission. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'émission jusque-là, les gens? Ah, José arrive. Franchement, c'est génial. C'est la première fois qu'on fait un GV de la lumière où ça commence sur les chapeaux de roue comme ça. ça part en what the fuck total, c'est excellent. Ça pourrait se résumer en une histoire de vie. Super, ouais. Bah, vous connaissez bien aussi en même temps, d'après ce que je crois. On a passé quelques nuits ensemble. Ouais, c'est ça. Bah, on est très très intime. J'ai cru de comprendre quand vous avez dit vous aurez un entretien après. C'est formidable. Voilà. Alors pour la suite de l'émission, on va essayer d'élever un petit peu le débat par le moyen d'une petite pièce de théâtre que j'ai mis au point. Alors, que je vais vous distribuer à tous. Il y a du texte. Ça pourrait être vexant quand même. Non, c'est juste pour la relance. Hein, ouais. Je vais vous demander de la lire comme ça, de faire une petite lecture. Quelqu'un va faire Raymond et quelqu'un va faire Bertha. Oh, je peux être Bertha. Est-ce que je peux être Bertha? Oui, tu peux être Bertha, Fatih. Ok. Et... Teddy, je vais te demander de faire Raymond, tiens. C'est une petite pièce que j'ai écrite tout à l'heure, voilà, on va s'amuser avec. Est-ce qu'on la lit avant ou est-ce qu'on garde la surprise? Non, lisez-la maintenant. Okay. Raymond et Bertha sont étendus sur l'herbe dans la clairière. Merci, c'est Adi Ascali. Voilà. Ça, c'est Adi Ascali. Ah, tu veux vraiment qu'on la lit direct, en fait? Oui, s'il vous plaît. Ah, bon, bah vas-y, allez. La nature est si belle ce soir, ma douce Bertha. Attends, il te faut une voix off, là. Il y a une phrase avant. Bon, alors, Rémi fait la voix off, Adi Ascali. C'est parti. Raymond et Bertha sont étendus sur l'herbe dans une clairière. La nature est si belle ce soir, ma douce Bertha. Oh oui, mon Raymond. Oh, ce petit coin que tu nous as dégoûté réveille mon palpitant. Et les reflets de la lune semblent faire luire tes yeux d'une lueur qui m'est encore inconnue. Mais c'est ma conjonctivite, mon doux Raymond. Oh, le médecin a dit que j'aurais les yeux rouges pendant encore 2 semaines. T'imagines ? Il m'a aussi dit que je ressemblais à un lapin atteint de myxomatose. Et ton menton semble avoir développé une excroissance bien singulière qui m'excite. Oh, on peut rien te cacher, mon doux Raymond. Oh, c'est les orions que m'a refilé ta petite nièce. Merci beaucoup. Voilà, voilà, nous sommes au théâtre du Palais le 10, 12 et 13 décembre. À guichet fermé, bien évidemment. Non, c'est juste pour teaser l'improvisation d'après qui va porter sur ce texte. Ah, c'est beau ce que t'écris quand même. Oh, merci. Ouais. J'y ai passé deux grosses. Dans l'âme. Ça, c'est du Baudelaire. Deux grosses minutes. Non, mais t'as quand même placé myxomatose. Oui, hein, t'as vu. Cet homme est un dictionnaire. Donc voilà, on ne vous en dit pas plus. Ce sera pour l'improvisation juste après. Juste après comment Jacques Coco qui nous interprète une cover de The Reason. A tout de suite sur Indestar. Des bisous. J'ai vu de la lumière, 21h23h. Sur Indestar. Tout à fait, 21h23h, c'est nous. On est reparti pour une improvisation, vous l'avez deviné, je pense. Sur Raymond le modèle. Et hein Raymond et Bertha. Raymond et Bertha, tout à fait. Alors, Raymond et Bertha, ça va être une pièce qu'un auteur a écrite. Et là, ça va être le moment des auditions pour jouer les acteurs. Robert Hugo. On va donc. On va donc avoir l'auteur, son collègue, le metteur en scène. Ouais. Et deux acteurs qui vont essayer de jouer cette scène au mieux possible et en suivant, bien sûr, les instructions des deux maîtres de casting, de l'auteur et du metteur en scène. Ah, moi, je veux bien faire le metteur en scène. Tu veux faire Bertha, Fatih ? Bah, vas-y, fais Bertha. Moi, je veux bien faire le metteur en scène. D'accord. Voilà. Et l'autre, c'était quoi ? L'éclairage ? L'auteur. Ouais, le mec des lumières. Il y a Raymond, déjà. Personnage central et pilier de cette pièce. Alors, il y a un acteur et un autre membre du staff. Le metteur en scène, ça va être celui qui va le plus dicter les directions de jeu. Ah bah c'est bien, on a notre directeur en scène. C'est ça. Voilà. Je vais garder une feuille. L'auteur, il va s'agir pour lui d'être pointilleux et d'expliquer régulièrement aux acteurs pourquoi il a écrit ça et qu'est-ce que ses paroles soulignent. Il va parler dans le vent, lui, je le sens. Rémi ? Si tu... Oui, bien sûr. Donc c'est toi l'auteur de ces paroles, du coup ? Vous avez assez de texte ? Oui, c'est bon. Ouais, on a 4. C'est bon, c'est bon. Formidable. Et donc, José, du coup, je vais te demander de faire Raymond. D'accord, je suis pas Bertha. Bah non, Bertha est déjà non, Bertha prise. Bertha est déjà prise par Fatih, il a c'est dit pas en premier. Pour Bertha. Si t'es convaincant, j'écrirai la suite Bertha et Bertha. Je prépare. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Allez. Oui. Donc, bien sûr, les deux acteurs, vous êtes... Attends, rappelle-moi les rôles. Bertha pour toi. Ouais, ça oui. Raymond pour notre ami José. Ouais. Moi je suis le metteur en scène et lui c'est l'auteur. Et voilà, moi je suis l'auteur. Ok, c'est bon. C'est simple que ça. C'est bon pour tout le monde ? Attends, c'est qui déjà Mais t'es sérieux ? Non, c'est bon, je rigole, allez. Alors, sache qu'elle va pas tarder à partir. Monsieur Scouille. Titre. C'est un titre quand même. Pas vraiment, mais. Donc pour les acteurs, il va s'agir de suivre au pied de la lettre les indications de jeu parce que vous n'êtes pas encore pris, donc vous êtes sur la sellette. Ok, bande de petits cons, vous m'écoutez. Ouais. Est-ce qu'on pourra changer. Enfin, comment dire. Est-ce qu'après, quand ils sont partis du plateau, on met deux autres joueurs qui seront joués par les mêmes du coup ? On peut. Bah, ou alors ils échangent, tu vois, ça sera José c'est, Bertha. C'est de l'impro, écoute. Ouais. La magie du pestacle. Wow. Okay. On est prêt ? Okay. Oui. Et c'est parti. Oui, entrez les deux suivants. L'auteur, il va vous dire deux mots avant et après vous pourrez faire votre texte. Je suis vraiment content d'être s'il là. Vous plaît, silence, il va parler d'abord. Oh, ok. Alors bonjour, d'abord à vous, tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous connaissez un peu le texte ? Est-ce que vous avez un peu lu ? Est-ce que vous êtes un peu imprégné des personnages ? Alors moi, on m'a dit de potasser, mais je sais pas ce que ça veut dire. Alors du coup, j'ai révisé un petit peu. Oh putain, on en a deux qui tiennent une couche. Peut-être que un en fait. Bon, et vous ? J'ai lu ça à l'air. Ouais, c'est bon, c'est ma canne. Bon, écoute, je pense que je sais pas ce que t'en penses, mais on peut peut-être commencer les essais. Ça va être vite fait, mais allez-y, commencez. Alors, juste une petite. Alors, vous êtes. On va faire la scène où vous êtes donc vous, Raymond. Pour vous, Bertha, vous êtes étendue sur l'herbe dans une clairière et voilà, je vous laisse vous prendre du texte. Oh, ça m'étendre, ça je sais faire. Action ! La nature est si belle ce soir. ma douce bêta. Ouais, attendez. Un peu plus de glamour quand même. C'est une situation romantique. Oh ouais, moi je le sens bien dans le rôle de Raymond. Il y a quelque chose là. Tu sens le côté champêtre là. Tu sens. Ah bah on sent la nature profonde de la France hein, là. Ouais, mais c'est ce qu'on recherche. Écoute, on veut sortir l'opinel, couper le fromage en même temps qu'on écoute cette pièce. Ok, allez-y, reprenez. La nature est si belle ce soir, ma douce Bertha. Oh oui, mon Raymond. Oh, ce petit con que tu nous as dégoûté réveille mon palpitant. Alors, mal, hein, est-ce que tu peux leur demander d'arrêter? Parce que, bon, elle n'a pas un orgasme non plus. Ouais. Madame? Oui. Faut vous calmer sur l'orgasme. Faut être moins sexuel. Moi, monsieur, on m'a dit il faut être extasié devant la nature. Non, pas extasié. Il faut, comment dire, faut exprimer la nature profonde de la France. Faut parler avec un accent français, genre marseillais. Oh, ça tombe bien. Voilà. Allez-y, essayez avec l'accent marseillais, ça va peut-être mieux passer. Oh oui, mon Raymond. Oh, ce petit coin que tu nous as dégoté, réveille mon palpitant. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, là, on le sent bien là. Allez-y, monsieur. Et les reflets de la lune semblent faire luire tes yeux d'une lueur qui m'est encore inconnue. Oh, c'est ma conjonctivite, au monde vraiment. Alors, deux petites... Alors, accent du sud, je veux bien, mais là, vous vous êtes perdu. Là, c'est trop loin. Ah, vous trouvez pourtant, Ça manquait de peu cher, je trouve. Oh, bon, je peux rajouter. Écoutez, je n'ai rien à redire sur votre jeu d'actrice. Oh, c'est gentil. Mais vous transformez ces 6 lignes en une page. Donc, pourriez-vous juste vous contenter de lire ce que vous avez sous les yeux? Oh, je peux essayer, oui. Je vous remercie. Oh, vous voulez que je reprenne? Reprenez, oui. C'est ma conjonctivite. Oh, c'est ma conjonctivite, mon doyen. Oh, l'homme de chair a dit que j'ai les yeux rouges pendant le cours du chômage. Alors, pourquoi... Pourquoi ça dévie l'accent? Pourquoi on passe de Montpellier au souk? Mais vous m'avez dit de ne pas trop faire l'accent marseillais. J'ai vu portugais, là, moi. Ouais, mais là, vous vous êtes perdu, là, mais quand même. Mais je suis citoyenne de d'ici et d'ailleurs et je vous emmerde. Essayez la phrase en entier en accent portugais, écoute, pour moi. Écoute, je pense que là, on va faire rentrer les deux suivants parce que là... Mais non, attendez, je peux vous prouver que je suis doué. Vous voulez que je recommence? Non, vous me reprenez, là, c'est ma conjonctivite et c'est votre dernier achevé. Ok, je prends que l'accent. On veut du champêtre. On veut de l'amour et dans les prés. Oh oui, oh Catherine Le Marchand. Oh, j'aime bien. Okay, elle a un accent, elle? Oh, je sais pas. Oh, allez-y, faites. Oh, je sais. C'est ma conjonctivite, mon drôleau. Alors, ouais, non. Ça, ça va pas le faire. Alors, monsieur, restez, s'il vous plaît, parce que là, on tient on va faire rentrer la candidate suivante. Vous, madame, effectivement, excusez-moi, ça va pas le faire. Oh, mais, si vous voulez, j'ai d'autres talents à vous montrer, si vous voulez m'embaucher. Non. On va vous accompagner. Non, je vous assure, je suis très doué. Vers la sortie. Je vous assure. Vigile, sécurité, s'il vous plaît. Voilà, sortez. Voilà. Entrez, juste la femme. Ouais, entrez la suivante, s'il vous plaît. Le monsieur, on s'en fout du monsieur, laissez-le tranquille pour le moment. Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, pour faire rapide, parce que là, on a bien empiété avec la précédente, oui. Est-ce que vous avez lu un peu le texte? Oui. Non, ça, ouais, ça, vous n'avez pas lu le texte? Ça va le faire, c'est pas grave, on a plus le temps. Oui, c'est bon, je alors, l'adapte très vite. Vous êtes Bertha, la femme de Raymond. Vous êtes dans un moment... Oui, un personnage tout en onirisme. Cette situation romantique, mais il faut que ça soit champêtre. D'accord. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, action. Allez-y, oui, recommencez. C'est à vous, vous recommencez depuis le début, bien sûr. Ok. La nature est si belle ce soir, ma douce Bertha. Ah, je m'en lasse pas. Oh oui, mon Raymond. Mon ce petit coin que tu nous as dégoté réveille mon palpitant. Ah, et les reflets de la lune semblent faire luire tes yeux d'une lueur qui m'est encore cochée. Je crois qu'on tient notre Raymond. Ouais. C'est ma conjonctivite, mon doux Raymond. Le médecin a dit que j'avais les yeux rouges pendant 2 semaines encore. Il m'a aussi dit que je ressemblais à un lapin atteint de myxomatose. Ah, et ton menton semble avoir développé une excroissance bien singulière. On ne peut rien te cacher, mon doux Raymond. Recommencez celle-là, mais avec plus de romantisme. Vous le désirez à ce moment-là. On ne peut rien te cacher, mon doux Raymond. Ouais, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est les oreillons que m'a refilé ta petite nièce. Vous avez pas d'autres rires en stock? On veut du sensuel, madame. Ouais, essayez un rire sensuel, s'il vous plaît. Non. Là, c'est un chat qui vient de manger. Il pleure, ouais. Il pleure, le chat. Écoutez, non, ça, c'est le Joker. Il faut que je vous désire, madame. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi. Sentez la chaleur. Sentez le désir monter en vous. Faites-moi un rire. Ah, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Ouais, ah, c'est pas mal. C'est... On va s'arrêter là parce que j'ai envie d'elle. Oh, d'accord. Ah. Ouais, c'est nos acteurs, de toute façon. Je vous laisse mon numéro. Et... Ah, vous êtes célibataire Le monsieur qui est venu avec vous, ça compte pas? Non, c'est mon père. Ah, ah merde. Bah, vous pourrez lui dire qu'il est pas pris. D'accord. Mais par contre, bon, comment ça, j'ai pas pris? Non, c'est vous, pas vous mal. Pas son père. Alors, là, on est bien. Monsieur, j'ai vos coordonnées. On va vous rappeler incessamment sous peu. Est-ce qu'on fait juste passer le dernier candidat qu'on avait pour voir un peu? Le papa de la madame? Ouais, le papa de la madame. Ah ben, allez, on va bien voir. Et on y trouvera peut-être un rôle de figurant. On verra bien. Ah. Merci, monsieur, en tout cas. Monsieur le papa? Oui? Oui. Oui, voilà. Alors, on a déjà nos deux rôles principaux, mais on va quand même vous auditer pour voir si... Comment dire? Si on peut peut-être vous trouver quelque chose, un petit rôle de figurant, pour voir ce que vous valez, en fait. Oh, fort bien. Je pense que cela fait partie de mon accord, ami. Oh putain, il est barbare, mon Dieu. Ouais. Allez-y quand même. Ouais. Tenez, bah à défaut d'avoir autre chose, on a le texte qu'on a donné au candidat suivant. Faites les deux. Par bien, contre, ouais. on a plus la candidate. Alors, est-ce que tu peux te sacrifier pour faire Bertha, s'il te plaît? Oh, ok. Vous allez-y, monsieur. On vous écoute. Oh, la nature est si belle ce soir, ma douce Bertha. Ah oui, mon Raymond, ce petit coin que nous a dégoté réveille mon palpitant. Alors, par contre, je vais vous demander de mettre un petit peu plus d'entrain, parce que vous êtes en train d'enfreindre mon jeu d'acteur. Parce que moi, je suis juste en train de le lire, c'est vous qui passez l'audition, pas moi. Ah d'accord, donc reprenons. Ouais, si vous voulez pas finir figurant, faites attention. Essayez de faire un effort, fermez les yeux au pire, essayez de vous dire que vous avez une belle bande suave devant vous. Un peu comme si... Je veux bien fermer les yeux, mais à ce moment-là, je ne vois plus le texte. Je peux fermer un œil au pire si vous voulez. On est marron des deux côtés. Bon, retournez-vous au pire. Regardez le derrière, comme ça vous ne me verrez pas. Écoutez, je pense que ça va le faire. On vous remercie. Si toutefois on a quelque chose, on vous appelle. Formidable. Merci beaucoup pour cette improvisation. C'est what the fuck. Ce José, je signe quoi. Ah, José, formidable. Tu étais magique. Il a été fan dès le début. J'ai changé de voix. Magic Jean-Marc. Magic Jean-Marc. Non, José, moi, je suis conquis également. Hein, bravo. Ah ouais, mais il a fait frémir à mon palpitant, comme on dit dans le métier. Si j'écris la pièce en entrée, je t'appelle, hein, direct. Je prends. Ok, avant de passer à la prochaine improvisation, on va écouter Ixon avec son titre All Night. A tout de suite sur Indestar. Des bisous. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h. Sur Indestar. La musique est encore là. La musique est encore là. Elle est plus là. Autant pour moi, c'est ma faute. Voilà. Mais le bed est un peu fort. Oui, je sais, je l'ai enlevé, c'est bon. C'était un fail. Est-ce monumental. Que le micro marche? Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors ça s'allume avec. Bah vas-y. Avec le bouton. Faut que t'appuies sur le bouton, peut-être. Oh, quelqu'un t'a cédé sa place, je pense que. Ah non, pas celui-là. Non, celui-là, il s'allume. En fait, nous avons une intervenante qui souhaiterait parler, je pense. Et bah, qu'elle prenne le micro de quelqu'un. Allez, je cède ma place. Paf, le loup. Bah voilà. Non, mais attends, c'est bon, j'ai mon micro. Alors, bon, est-ce que tu... Oui, non ? Mégane, viens chercher ce micro. Eh bah, va chercher le micro. Attrape. Parce que c'est juste audio pour l'instant, les gens sont... Voilà. Un petit coucou, Mégane. Une touche féminine dans cette émission de macho. Allez-y. Donc, on repart sur Amour, Gloire et René. Oh oui ! Oh, je suis venu pour ça, en fait. Et nous, voilà. et nous venons de gagner la touche charme. Je crois que c'est... Bonjour, Mégane. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Et oui, vous? Oui, très bien. Non, ça a l'air d'aller. Ça y est, on vous voit ici maintenant. C'est nouveau. Ça se vous voit, voilà. On se tape le délire. Donc, Amour, Gloire et René, c'est la sitcom, hein, bien sûr, le soap opéra de cette émission. C'est le vrai fil rouge. Tout à fait. Bah, le vrai fil rouge, t'en as un aussi, t'es dit, mais dans un genre différent. Ouais, c'est clair. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, René, donc, c'était un entrepreneur qui faisait à la base des abaisse-langues pour les médecins. Quoi? J'entends pas quand tu chuchotes. Il avait rencontré Ginette. Ah ben voilà, mais elle connaît l'histoire en plus. Oui, il avait rencontré Ginette. Oui, un dîner d'affaires. Son pote l'avait trahi. Il faisait des abaisse-langues pour les médecins et il s'était reconverti en bâton de glace. C'est ça. Ah oui, c'était pas une poissonnière, Ginette? Si, c'était une poissonnière. Mais de quoi vous parlez en fait? En fait, on parle de charme. Amour, Gloire et René. C'est une série. En gros, c'est des mini-sketchs qu'on fait quasiment tous les jeudis. Des fois, ça saute des jeudis et des fois, non. Et donc, du coup, ça avait commencé. Hein. Le mec, il fait des abaisse langues. Après, il s'est reconverti en bâtonnet de glace parce que son pote l'a trahi. Voilà. Il était marié avec Ginette. Dans les derniers épisodes, il a légué l'entreprise à son fils. Exactement. Mais en revanche, il a dû passer. Enfin, il est en train de passer 5 ans de sa vie en prison à cause des rapports qu'il avait avec la mafia. Rapport non protégé. Ouais. Okay. Pour le coup. Avec la mafia, okay. Ce qui n'est jamais une très bonne idée. Donc, je vais avoir besoin d'un René. Qui va faire René? À Niçois. Ah, repose le micro direct, Megan. Eh ben, Fatih, je vais te demander de faire René. Allez, dictature. Ah bon? Mais non, ouais. Mais je crois que Rémi. Tu as une tête de René. Je te sens bien René là. Je me sens pas trop René. Tu es moi. Le personnage, je le vois. René dans tes yeux là. C'est vrai? Ouais. Non, c'est la conjonctivite que tu. Je suis René de toi là, tu vois. Là, je... Bah alors, faut que je fasse quoi? Alors, faut juste que tu joues en mode sitcom. C'est-à-dire que voilà, un jeu. Soap opéra. Très expressif. Enfin, pas vraiment sitcom, ouais, soap opéra en effet. Donc pense à Amour, Gloire et Beauté, Dallas, Bertha. Tu vois. Est-ce qu'il y a une J'ai quelque chose à te dire. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est bien tout ça. Tout ce qu'on te demande, c'est de jouer un peu comme rêve. Ça. Là, je suis en prison, rêve. Calme. J'ai regardé Les Feux de l'Amour. Mais alors, je vous rassure, je sais ce que le c'est. Le cœur a ses raisons. Voilà, c'est pas la peine de... Donc, mais par contre, moi, j'ai pas le background. Il y a pas je besoin. Pas... Ah, y a pas besoin du lore. C'est pas grave, c'est toi qui l'invente. Bah, je te l'ai donné, en fait, les bâtons ouais, de mais glace, j'ai pas écouté conversion. Aussi. Non, mais tu fais comme il moi. A légué. C'est pas faux. C'est ma botte secrète. Ok, ça marche. Tu fais le move. Tu joues balle. Tu as une entreprise que tu as léguée à ton fils, du coup. Il était en prison. Une entreprise de bâtons de glace. Ouais. Et tu es en prison à cause de tes rapports avec la mafia. Là, je suis en Est-ce tôle, que ça va être un épisode spécial ou qu'on va voir René en prison? Forcément. Oui, on va voir René en prison, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, Teddy. Pourquoi c'est l'arabe qui est en prison, comme par hasard? Est-ce qu'on peut m'expliquer? C'est pour que ça soit roleplay. Non, franchement, je respecte. Fallait la faire. Elle est gratuite. Je vais avoir besoin de, du compagnon de cellule de René. Celui que je traumatise au quotidien. Non, au contraire. Si tu veux, ouais. Je vais m'occuper de ton cas. Ouais. Rémi, c'est toi du coup? Ouais. Ok. Teddy, je vais te demander de faire un maton. C'est quoi un maton? Ouais, j'allais un dire. Un gardien ouais. de prison. Ah ouais, ouais, ça j'ai fait. C'est le monsieur avec les grosses matraques. C'est ça. Tu vas apprendre ma grosse matraque. Et José, je te demanderai, je pense, de faire la femme de. ou son fils, ou à moins que Megan veuille faire sa femme du coup. Hein? À Vera, c'est à son. Mais bon, dans le micro, c'est vrai qu'on l'entend mieux quand même. La femme de. Ok, donc la première scène se passe donc dans la prison. Roger et son compagnon de cellule discutent. Peut-être d'un plan d'évasion, ça je vous laisse carte libre. Carte blanche d'ailleurs. Et voilà, je vous demanderai simplement de garder un peu de décence. Je sais ce qu'on est sur la prison. Je vous connais très bien. Et merde. Alors attends, René, déjà, il est de quelle ethnicité? Ouf. Aucune, c'est. Et René, en fait, je peux choisir comme... au pif. Bah un écoute, truc, ça s'entend. René, si, italien, c'est, italien. Ça vient des îles, quoi. Tu vois là, tu vois. Alors non, tu vois la Guadeloupe. Pas d'accent avec René. Ouais. C'est vrai. Ouais, non. Mais il a des origines italiennes. Oui. On l'avait dit dans le dernier possible, épisode. Oui. Mais bon, ouais, ça peut se modifier, ça. Ça peut se modifier. Marqué, je comprends pas ce que tu veux me dire. Il parlait pas avec un accent italien. Mais il a dit qu'il traitait avec la mafia. Mais je vous demande juste à tout le monde de surjouer. Surjouer comme c'est pas possible, surjouer comme pas permis, voilà. Okay. Okay. C'est bon okay. Non mais vas-y on y va. Ok. Eh bien c'est parti pour Amour, Gloire et René. Bon René. Ouais. On en est où du plan là? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'où t'en es toi, vu que je te suis. Ben j'en suis dans ma partie. Pourquoi on a mal à la gorge comme ça? Parce qu'il y a une musique de badass qui passe derrière. Ah, c'est vrai. Écoute, moi j'ai un plan pour que son. Il y a un plan. La prison, ça commence à me ravager le cerveau là, c'est bon. J'ai un plan. Dans ton dos, t'as un plan? Eh, hey, moins fort, vous deux. Ouais, c'est bon le maton là, fermez sa gueule, oui. Arrête, hey, tu veux goûter un taser toi? Arrête. Ouais, ferme-le. Si je viens c'est lui, il va voir le trou qu'on a creusé derrière le poster. Mais le dis pas plus fort! Eh, hey, je t'ai dit moins fort toi! Le dis pas plus fort. Ouais. C'est bon, il est plus là. Bon, vas-y, enlève le poster, on va se barrer. Ok. Toi d'abord. À ce moment-là, le maton arrive et annonce que c'est l'heure des visites. Donc René a une visite de sa femme. Oh putain. Eh, toi là, qui étais un peu bruyant là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a ta femme qui veut te voir. Oh putain. Tu viens avec moi, on va au parloir. Ok. Bon bah, je dis un truc vite fait à mon compagnon de cellule et puis j'arrive. Je ferme les yeux, je me retourne, je veux pas voir ça. Bouche-toi les oreilles surtout. Ouais. Je vais voir ma femme, j'arrive. Je continue de creuser. C'est parti. Ok, vas-y. C'est bon, vous avez fini. Putain, vous êtes rapide. Bon, venez, elle va vous attendre sinon. Donc René se retrouve dans la salle du parloir avec sa femme qui est juste là. Il va lui avouer son plan pour s'évader et aller la retrouver. C'est reparti. Vous avez 15 minutes. Bon chéri, j'en ai ras le cul d'être ici, donc j'ai décidé de me barrer. Donc, attends René, attends, j'ai quelque chose de réellement important à te dire. Ah non mais je t'ai pas mis enceinte, je suis en tôle. Notre fils, ça ne va pas du tout. Ça ah, qu'est-ce qu'il a fait encore ce con? Il n'est pas d'accord pour reprendre l'entreprise des bâtons de glace. Oh putain, il me casse les couilles celui-là. Bon écoute, je vais te passer une cravache. On peut pas faire ça, c'est notre enfant, tu comprends? Mais justement, parce que c'est notre enfant, il faut le faire. Faut lui fouetter le cul au petit, sinon il comprendra jamais. Je pense que le mieux à faire, c'est que tu le vois un peu. Non mais j'ai pas envie de le voir déjà. Si je vais le voir, ça va être en mode costume cravache. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, je suis... Bon écoute, moi je veux bien me barrer d'ici, mais j'ai pas envie de voir le gosse. Il me casse les couilles, tu comprends? À part si je suis vraiment obligé. Parce qu'il faut bien faire avancer l'impro. Le quatrième. Non, t'es pas obligé. C'est comme tu veux, chéri. Hein. Moi, à mon bébé. Non, c'est très bien. Plus que 5 minutes. Ah merde! Bon, alors, je t'explique. On a fait un trou derrière un poster et du coup, on va se barrer avec mon compagnon. Puis on se retrouve à 11h30 derrière le portail. Ok, c'est bon pour toi? Quoi? Mais... C'est bon ou pas? Oh, est-ce que c'est bon? Non. Eh, moins fort là, toi là. Putain, c'est toujours le même. Lui. Bon, elle, je vais t'enculer, toi, hein. toi, tu viens me voir à la fin. Allez. L'interrogatoire est fini et Roger regagne sa cellule. Il a mal au cul. Et retrouve. Non. Si. Non. C'est moi qui fais. Roger, là, voilà. Roger regagne sa cellule avec son. Avec son collègue de cellule. Et c'est reparti. Oh, collègue, j'ai mal au cul. Alors, ouais, puisque je viens de voir ma femme, elle me fait mal au cul à chaque fois, celle-là. Du coup, on va se barrer, mais bon, faut que j'aille voir mon gosse après, donc ça me casse les couilles. T'as envie de le kidnapper vite fait, un truc comme ça, non? Ça s'arrange. Ouais. Oh, j'ai retrouvé ma toux, là. Ok. Vas-y, bien, on se casse. Alors, je précise juste que le fond sonore, c'est pour vraiment évoquer la prison. Vous avez pas besoin de faire des voix de badass. Bah ouais, mais moi, tu mets une musique genre... western, alors je suis parti. Non, moi. Mais ça marche très bien, mais on continue. Bon, on se casse ou quoi? Ouais, on va se barrer. Ouais. C'est bon, on est dehors? Ouais, on est dehors. Ok. Fais gaffe, là, y'a le gardien qui arrive, là. Oh, le maton. Ouais, qu'est-ce que vous faites dehors, vous? Cours. Arrêtez de courir. Vas-y, cours. Putain, Roger, lâche le chien. Trace. Ok. Une heure plus tard, Roger... René, pardon. Et son compagnon de cellule, qu'on va appeler Jackie... se retrouve dehors et il commence à fomenter ce dont il parlait juste avant, à savoir remettre le fils de René dans les bons rails. C'est reparti. Bon, Jackie. Oui, Michel. non, tu te gourres, moi c'est René. Ouais, du coup, bon, est-ce que tu me files un coup de main pour mon fils ou ça se passe comment là? Ouais, on lui pète quel genou? Le gauche, il aura pas besoin. Ok, ça me va. Gauche, en général. Quand on trébuche du droit, donc au pire, je sais pas. Bon, on s'en fout, vas-y, on y va, c'est bon? C'est parti? Ouais, je te suis, vas-y. Ok, allez. Ah, je le vois! Plus tard, alors. Oh, je l'aperçois, le minot! Non, petit tété. Plus tard. Il se retrouve devant la maison de René et il décide de ce qu'ils vont faire. Ah, je suis devant ma maison. Il faut que je me décide. Bon, qu'est-ce qu'on lui faut au final? Bah, je t'ai dit, le genou gauche. Non mais ça c'était une blague, mais c'est ton fils, on va pas le casser. Bon, l'épaule droite. Non mais on parle de ton fils là. Il me casse les couilles quand il est en train d'hausser les épaules là. Il a un petit air, j'aime pas. Bon, il pourra plus. Écoute, moi quand j'étais petit, ma mère me mettait sur ses genoux là, elle me mettait des fessées, ça m'a traumatisé, je pense que ça suffit. Vas-y, dis-en encore, hein, je t'écoute. Je pense que ton gamin, c'est pas un mauvais bougre. Ouais, mais bon, un petit fouettage de cul de temps en temps. Putain. Non, Fatih, putain. Quoi? J'éduque propose... mon enfant. Non, on te propose 12 portes, tu les prends pas. Ah, si, je accepte prends. Un petit peu. J'accepte. Ton collègue, là, on sait pas ce qu'il a fait. Ça se trouve, il a fait un truc super grave. Il s'est retrouvé en tôle. C'est une leçon de vie qu'il peut donner à ton gamin. Ok. Voilà. C'est reparti. Donc, tu voulais qu'on lui fouette pas le cul, c'est ça? Non, je pense que juste une bonne leçon, ça peut suffire. Alors, qu'est-ce qu'une bonne leçon? Soit elle lui fait peur, Soit on lui fait croire que la mafia l'a retrouvé, histoire de lui faire une bonne frousse. Donc on lui fait peur dans les deux cas. Allez, ouais, avancer, mais là. Ça n'a pas la même intensité. Ok, bien, on rentre dans la baraque, je vais l'attraper. Alors, Teddy, je vais te demander de faire la femme de René, du coup, qui est très surprise de le voir. Soit. Et José, je vais te demander de faire le fils de René, qui est encore plus surpris de le voir. Et c'est reparti. Oh, mon René, c'est toi ? Oui, c'est moi. Oh mon Dieu, mais bienvenue à la maison. Tu as réussi à t'échapper, du coup ? J'ai réussi. J'avais vu aux infos, ils ont lâché des chiens. Comment vous avez fait pour les chiens ? Bah écoute, en fait, j'ai couru très vite. C'est pas faux. Mon René, t'es oui. le meilleur. Je sais, merci. Il est où le fils ? Ton fils ? Bah, le gamin, là. Il est dans le salon, il t'attend. Fiston ! Père. Il avait 18 ans, mais c'est très bien, on continue. Ouais. Mon et fils, je vois que tu as atteint la puberté. Père, j'ai quelque chose à te dire. Ah, dis, fils. Ton histoire d'entreprise de bâtonnets de glace ne me sied pas. Oh, tu as un langage bien châti, puisque j'étais en prison, dis donc. Tu as eu... Mère t'en a sûrement parlé, mais j'ai espoir d'un autre avenir. Lequel ? Je souhaiterais devenir moine bouddhiste, jongleur et trapéziste au Cirque du Soleil. Alors moine, bouddhiste, cycliste ? Non, trapéziste. Avec les trapèzes. Ça oui. Mais alors jongleur, jamais. Pourquoi, père ? Pourquoi, père ? Parce que c'est des tapettes. Ça sert à quoi de jongler ? Ça sert à quoi dans la vie ? Quand tu vas faire tes courses, est-ce que t'es en train de jongler comme un connard ? Bon, non ! René, je vais te couper, mais il y a les flics qui ont pas tardé à débarquer, là. Ah ouais, bon, René, les flics vont débarquer, il te reste deux phrases à dire à ton fils, choisis les pires. Le cirque, oui. Je t'aime, mon fils. J'imagine. Merci beaucoup pour cette improvisation, Amour, Gloire et René. Ah, c'est vache. Excellent chapitre. Ah, ce René, il est encore plus le incroyable. Il est passé de skater à moine bouddhiste. Excellent. Ah, il était skater avant. Il était skater. Ouais, il a eu une vie de skater, le videau. Ouais. Je sais pas, c'était genre. C'était un jeune branleur. Ouais. Mais d'accord, mais pas le background. Ça fait excellent, il a une transition. Magnifique. J'ai pris 10 ans. Ok, bah super. Avant de passer à la dernière impro de ce soir, déjà, on écoute Michael Jackson versus Katy Perry. Comment ? Katy Perry, Michael Jackson ? Oui, c'est ça. Ah, c'est concept ça. C'est un bootleg. C'est Dead or White. Oh ouais, Dead or White, tout à fait. Et à tout de suite sur Indestar. Vue de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. On est de retour et c'est la dernière improvisation de ce soir. Exactement. Déjà. Et on peut rappeler que les podcasts de J'ai vu de la lumière sont disponibles évidemment sur une vingtaine de sites de podcasts, notamment Spotify, je sais plus les restes. Les plus connus, Spotify. Deezer, sûrement. Deezer, effectivement. Deezer, voilà. Ouais. Et dans le pire des cas, allez voir sur indestar.fr, ça sera plus rapide. Tout à fait, vous pouvez les télécharger directement, juste Indestar sur Google et ça marche. Voilà. Et en puis plus, on a aussi une règle d'or à répéter au cas où. Jamais le premier soir. Oui. Mais là, ça va être plus particulier pour l'impro. Il y a un truc à savoir pour les scénarios d'impro. Il n'y a pas trop de règles, mis à part, faut jamais te faire refus. C'est vrai. Non, mais je sais, mais je suis un mongol, en fait. moi-même, je l'aurais dit avant, tu vois. Alors, les gars, on fait jamais de refus, d'accord. Non. Mais, la mongolité, tu c'est vois. C'est vrai que c'est même toi, Fatih, qui a expliqué aux autres le refus. Pourquoi ne pas faire de refus ? C'est vrai que ça n'avait pas avancé l'histoire. La mongolité. Bon, enfin, bon, c'est pas grave, t'inquiète. Tu le fais vachement bien. tu le fais vachement bien. Tu refuses très bien. Tu refuses très bien. C'est l'exception qui confirme la règle. Je suis pas un mec facile, hein, vous savez. Mais ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ok, pour la dernière improvisation, on va faire de l'impro encore. On va faire du sale. Oh oui, du sale. Je vais avoir besoin de deux comédiens principaux. Homme ou femme. Pourquoi il y a écrit test de grossesse dans ce... Parce que bah, tu vas voir tout à l'heure. Bah, et le spoil est tombé. Deux comédiens, s'il vous plaît. Question avant, c'est quoi les rôles ? Non, je dis après. Même pas masculin, féminin, un petit indice quand même. Masculin, c'est très bien. Masculin, c'est très bien. Ouais, masculin, ouais. Voisin. Alors, moi, je veux bien. Je veux tester. Et masculin, pardon. Je serai masculin. Ouais, d'accord. Voilà. Et toi, tu seras masculin. Et masculin, ouais. Putain. Je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. Donc, Rémi, et qui d'autre ? Désignez-vous. Eh bien, hein. Je peux tester. Et bah voilà, José, formidable. Ouh, José. Donc, je vais vous parler de cette improvisation test de grossesse. C'est un truc qu'on avait déjà fait il y a 2 mois à la création de cette émission, qui a 2 mois d'ailleurs, hein, c'est son anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Donc c'est un canevas d'improvisation qui m'avait été proposé par Stéphane Maillet, qui est un grand nom de l'improvisation, bien sûr, avec qui j'avais pu faire un stage. Je connais personnellement. Oui, qui est... je l'ignorais. C'est un ami. Fabricant d'objets. Je le brunch cool. avec lui tous les dimanches. Donc, Rémi, c'est on, moi. Est, on est chez toi dans la situation. Vous êtes deux potes. Ooh. Vous êtes là, vous buvez un café. Mmh. Et à un moment, Rémi, tu vas aller aux toilettes. Mais non, il est chez lui. Ah non, ah oui, donc non. C'est José qui va chez lui. Donc José. Oui, mais c'est toi qui dois. Pour la situation, alors, c'est toi qui dois aller aux toilettes. D'accord. Donc José, tu vas aller aux tu toilettes. Tu pourris pas mes sachant... toilettes, d'accord. Ah bah, il va faire mieux que ça. José, tu vas trouver dans les toilettes un test de grossesse. Ah. Et tu vas faire pipi dessus, tu vas faire le test de grossesse. En tant qu'homme. Alors, toi, t'es comme ça, tu rentres chez les gens, tu pisses sur leur test de grossesse. J'ouvre la boîte. Et le problème, c'est que le test de grossesse va être positif. D'accord. Donc, tu reviens voir Rémi avec, en sachant que tu es enceinte. Tu vas lui montrer le test et voilà. Voilà ce qui va c'est un homme. Ouais. Ah, donc c'est comme le film de Schwarzenegger. C'est la blague. Junior. Exactement, Junior. Junior. Et après, bah là, bah, vous démerdez avec ça. On va voir où ça va. On va tricoter, vous d'accord. Faites vos délires, que, ouais. Peut-être que des personnages vont rentrer. C'est ça. Donc je suis surpris quand même. Ah, t'es surpris, t'es très surpris. Bah ça dépend. Écoute, je pense que c'est la réaction d'un homme tout à fait. Je suis blême. Tout le but comme de l'improvisation, ça va être de votre réaction. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde? Des choses comme ça. Mmh, d'accord. Ah, d'accord. Donc la réaction, alors toi, tu pisses sur un test de grossesse, c'est est-ce que tu le gardes? Moi, je me pose des questions plus existentielles. Vous vous démerdez. D'accord, très bien, bien on sûr. On est juste copains. Vous êtes potes, oui, amis, oui. Mais bah là, t'en es rendu, tu pisses sur mon test de grossesse, alors on est un peu plus. Alors, mec, pourquoi t'en as un? Il a peut-être un une meuf. Oui, parce qu'il a sans doute une copine. Et bah, j'ai peut-être confondu avec le thermomètre. Bref, on va garder ça pour l'improvisation. Ouais, okay. On y va, est-ce que c'est bon pour vous? C'est quoi son nom? Christian. Christian, et toi, ça va être... Charles. Oui, Charles. Charles. Charles. Charles. Christian et Charles. On y va Charles. Pour improvisation test de grossesse. Et c'est parti. Ouais, voilà. Tu vois? Non, mais c'est bizarre quand même ce qui t'est arrivé hier, mais bon. Je trouve aussi que c'était incroyable. Attends, excuse-moi. Tu peux me dire où sont tes toilettes? Bah, comme d'habitude, troisième au fond du couloir à droite. C'est vrai, je confonds toujours. J'y vais, en courant bien sûr. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Un test de grossesse. Un test de grossesse. Ah merde alors, est-ce que c'est bon? Tiens, je vais faire une blague. Merci, bruiteur. Putain, il va être mort de rire. Oh putain! Putain, mais c'est quoi ce vieux truc là? Mais. Hé, cri-cri! Hé, cri-cri! Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir! Bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, c'est un truc de ouf! Regarde, j'ai trouvé un test de grossesse. Alors, déjà, pourquoi t'as ça? Et je l'ai trouvé dans tes chiottes là! Non, c'est pas possible. Je te le dis, hein. Est-ce que c'était. Juana là, la. Portoricaine, peut-être? Ben j'en sais que rien, la mais semaine dernière. C'est pas possible. Merde, bon, enfin, voilà, excuse-moi, attends, je m'assois, attends, je ferme le couvercle. Voilà, je m'assois parce que Non mais, déjà, la chasse, c'est dégueulasse. Si quelqu'un pissait dessus, attends, ça comme ça. J'ai le palpite qui... j'ai l'impression d'être enceinte. Regarde. Alors, la blague était drôle, hein, mais tu ne peux pas être enceinte, en fait. J'ai ouvert le paquet, il était sous ses lots. Alors, on va en revenir à la première question. Pourquoi tu ouvres un paquet et tu pisses dessus? Pourquoi pas? Mais laisse-moi. Voilà, je pense qu'il y a. Est-ce que je ne devrais pas le garder? Qu'est-ce que tu. Alors, c'est. Non, mais je refuse de l'envisager, en fait. Tu es un homme, tu ne peux pas. Non, c'est une question qui ne se pose pas. C'est pas parce que j'ai l'apparence d'un homme que je ne peux pas avoir le corps d'une femme. Merde. Je ne suis pas assez maternelle pour toi pour garder un enfant? Écoute, je veux pas te vexer, je sais pas vraiment ce qui se passe là, mais donc alors on va résumer. T'as vraiment pissé sur ce machin là? Oui, ouais, j'ai Edouard. Je trouve que c'est super joli, qu'est-ce que t'en penses? Ça irait, tu verras. Donne-moi 2 secondes. Edouard, qu'est-ce que j'ai? De l'eau, de jeu. Non, ça c'est bien vodka. Ah putain de merde. tapisser sur ce machin et le plus veut dire que tu es censé avoir un gamin, c'est ça? C'est ça. Ah, tu veux qu'on s'assoie? Tu veux qu'on on peut peut-être en parler tous les deux? Bah, je préférais qu'on en parle pas, non? En fait, je préférais que tu rentres chez toi, mais. Enfin, là, tu vois, vraiment, je suis. Ça me. Ah, bah, que... pareil, tout pareil. Là, j'ai envie de vomir. Hein, on est au summum du dégueulasse. Hein, écoute. Eduardo. Ah ouais, Eduardo, ça serait super. Ouais, non, en fait, je veux même pas y penser. Je vais gerber là. Tu veux pas qu'on aille consulter? Genre, il y a peut-être un problème. Non, tu as peut-être raison, c'est peut-être un problème du produit ou... Mais alors si c'est vrai... Pardon. Les deux compères donc vont consulter et vont voir un médecin. Le médecin va être joué par Fatih. Je me sentais bien. Docteur Fatih. C'est moi. On se retrouve donc dans le cabinet du médecin. Bonjour à tous, venez à Vincheus, c'est parti pour les touches rectales, touches. Alors bonjour messieurs, qu'est-ce que vous amène aujourd'hui? Alors, bonjour, alors je tiens à vous dire qu'on n'est pas là pour se moquer de vous, hein, y a pas de blague. Mm-hmm. Mais bon, apparemment, mon ami a trouvé un test de grossesse dans mes toilettes. Mm-hmm. Lui est venu l'envie soudaine de pisser dessus, voilà, ça lui prend tous les matins. Et il me dit qu'il est enceinte, voilà voilà. Est-ce que vous vous foutez de mon gorge? Voilà, et ben j'ai pensé tout pareil. Est-ce que vous pouvez regarder? C'est peut-être juste un défaut du produit, parce que là, faut le remettre un peu dans le... Je vais vous demander de me passer les tests de grossesse, s'il vous plaît. Tenez, docteur Fatih, tenez, attention. Merci à vous. C'est dégueulasse. Je vais le goûter pour voir s'il y a encore banche. Ouais, bah je vais vomir. On va passer ce passage-là. Non, mais je vais vomir, là on est bien, là on est dans l'ambiance. Donc, après quelques examens, le docteur Fatih... confirme que, en effet, Christian... Charles. Que Charles est effectivement enceinte. C'est reparti. Alors là, je suis vraiment désolé de vous annoncer ça, mais après les touches rectales avec trois doigts, je suis formel, hein, vous êtes enceinte. Je ne comprends pas non plus, c'est un miracle de la médecine. T'entends cri-cri. Non, mais alors là... On va avoir un fils. Ça m'a fait rire deux minutes, et non, en fait, même pas. Faut vraiment arrêter les conneries. Je veux dire, c'est un homme... Oui, je sais reconnaître un homme, hein. Je connais les coucouilles. Ah bah c'est bien, et bah justement, vous savez comment on fait la nature, les coucouilles, ça met les coucouilles dans madame, il y a le bébé, et voilà. Alors non, les monsieur, il ne peut pas faire les bébés tout seul. Il faut pas rentrer les coucouilles dans les foufounes, ça marche pas comme ça, je suis médecin, je connais. Ah bah alors si vous connaissez, comment vous pouvez dire qu'il a un enfant? Bah parce que je l'ai ausculté, monsieur. Je vous ai dit, j'ai mis trois doigts. Et j'ai senti quelque chose de beau. Alors, déjà, cette conversation, je ne comprends pas. On parle de mon ami, vous parlez d'avoir mis trois doigts, on est déjà hors sujet, donc déjà, je suis bien. Ça s'appelle l'ausculturation, monsieur. Ouais, bah ouais, tout à fait, mais je m'en fous, en fait. Comment te dire? C'est un homme. Mais ça ferait 50 euros quand même. 50 balles pour trois doigts dans le cul et tu me dis qu'il a un enfant. Au moins, il a pas le chida. Voilà, voilà. Bon, tu me disais quoi, Edouard? Eduardo, ça serait super. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Je suis toute chose. Merci beaucoup pour cette improvisation. Oh, putain, magnifiquement la résumée par « On n'est pas dans la merde ». Formidable comme phrase de fin. Non, ben, ça marchait bien, très bien. Ouais, c'est clair. Mais non. Ils se sont pas posé la question « Est-ce que c'est toi le père, vraiment ?» Oui. C'est parce vrai. Que moi j'ai joué le mec. Par défaut, c'est toi le père. Je veux dire, écoute, dans l'immédiat, je me suis mis dans une situation. Comment tu veux que ça me vienne en tête? Là, c'est pas le truc, quoi. Mais est-ce que vous avez compris au moins que si j'ai mis trois doigts et que j'ai senti quelque chose, bah c'était pas un bébé en fait. Ouais, ça c'était marrant. Ah, d'accord, vous avez compris, ok. Bah moi j'ai pas arrêté justement de dire, mais. T'avais l'air de. T'es peut-être même pas obligé de mettre trois doigts, il y a la prise de sang. Oui, ça passe par les veines et pas par le cul. Ouais, moi je suis médecin portoricain, donc. Avec un accent portugais. Lui, tu vas le voir pour une touille, il va te dire bonjour, déshabillez-vous. Je vais vous palper les couilles. Je vais vous palper les couilles. J'ai mal à la gorge. Pareil, déshabillez-vous. Tout est dit. Ok, avant de faire un petit débrief de fin, on va écouter You Know Me de Anna Free. A tout de suite sur Indestar et des bisous. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Eh oui, 21h-23h et c'est la fin de l'émission déjà. Hein. Ouais. Eh ouais. Oui, on va passer à l'autre partie de l'émission. Minuit, coucou les zizi. C'est là. Je connaissais pas ça. Coucou les zizi. Tous les mardis, minuit, 2h du mat, c'est ça ? Exactement, on débriefe toute l'actualité enfants, de votre vie sexuelle. Que vous avez 10 ans, 13 ans, voire pour les plus matures, 9 ans. Oh putain. Nous parlons de ce qui vous est arrivé à côté du bac à sable. Ça, c'est les mêmes qui font midi et zouzou, tu vois, telle sorte. Voilà, c'est la même boîte de prod. Ah la vache. Bon alors, quel retour de l'émission ? Est-ce que vous avez aimé faire ça ou pas ? Ouais, franchement, c'est très agréable. Puis c'est satisfaisant parce que du coup, on sort un peu de nos cases habituelles et de nos rôles habituels. Donc, C'est un peu comme une sodomie en fait, au final. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. On sort de nos habitudes, c'est satisfaisant. Là, c'est le moment où il faut que ça termine. Je suis resté gentleman le plus longtemps possible. Bon, ça, je sais pas. Non, mais voilà, je trouve que c'est bien, c'est un peu un exutoire, ça permet de dire des choses qu'on n'aurait pas dit. Ou... Ça, c'est clair. Cool, cool. Moi, je trouve que c'est bien ce que tu fais pour le peuple, Clément. Ah oui ? C'est une belle chose. Une belle contribution à l'espèce humaine, culturel. Tout ça. Bah écoute, c'est soit ça, soit je vais frapper des gens, donc ouais, je pense que c'est bien. Ah ouais, donc vraiment, tu t'es lâché et là tu vas être doux comme un agneau pendant deux oui. semaines. Oui, je fais l'agneau qui miaule. Ouais. Ah, plus vrai que nature. Tout à fait normal. Et toi, José, t'en penses quoi ? Bah, pour la première, première découverte, ouais. Non, c'est vraiment sympa. Découvrir un peu le derrière. Découvrir un peu le derrière, les coulisses, comme on l'appelle dans le métier. On peut pas t'en vouloir, c'est bien dit. Donc. Non, mais c'est. Ouais, non, c'est. Ouais, je sais pas. Je manque de mots, mais c'est vraiment sympa. Très sympa. À refaire un jour si on n'est pas bloqué. Bon. Cool. Non, ouais, parce totalement. Que, il y a l'occasion de se mettre déjà sur les téléphones pour bloquer directement les contacts. J'ai vu le. Vous venez une fois, vous pouvez plus revenir. À refaire. Bon, moi, ça va être dans un délai très court, mais à refaire. Koh-Lanta. Cool. Vous êtes le maillon faible. Et bah formidable, ça fait plaisir. Ouais, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Et bah nous aussi, écoute. Surtout d'avoir Fatih qui voulait pas venir à la base parce qu'il était. Parce qu'il avait Pokémon. Mais c'est pas ça, c'est parce que t'es mon sac à Smash. Ah bah, ne l'oublie pas. Est-ce que vous avez fait votre fameux match ? Non, on l'a pas fait parce qu'il ne veut plus jouer Fatih. Attends. Pour les auditeurs. Alors déjà, tu ne me dis pas attends avec la main déjà. Alors pour les auditeurs, Fatih et moi, on se bataille depuis un petit moment à Smash qui est un jeu de combat. Et voilà. Donc. Fatih, je lui ai mis quoi 10-0 12 fois. Et là, il dit devant tout le monde que je suis son sac, pour aucune raison. Alors, je pense que le mot de la fin va être pour moi aimez-vous les uns les autres. Oui. Non, alors, je tiens à dire quelque chose. Mais arrête. Clément. Lâche cette haine. Non, mais c'est pas ça. Laisse-le parler. C'est que, en fait, si tu veux, Clément est bon au jeu. Hein. En vrai, on se vaut plus ou moins, tu vois. Non, mais franchement, tu on se vaut. Mais je même si je te. Attends, je peux finir, s'il te plaît. Même si, même si quelque part je te domine, tu vois. Je pense que tu aimes ça. Faut pas oublier que t'as essayé de venir chez moi juste pour jouer et que je t'ai dit je joue plus. Bah oui, tu joues plus. Bah, il faut que j'ai peur. Le titre, pourquoi je le remettrais en jeu, tu c'est con. Il y a pas le titre, quand est-ce que t'as gagné. Il y a pas de championnat, moi je t'ai niqué. Ah, peut-être que t'as gagné une partie en 96 non, quand j'avais 3 ans peut-être. Tu mens. Mais d'ici là, je me souviens plus hein. Je te connaissais même pas. Bienvenue sur la nouvelle émission, c'est un débat sur les différents. Ah ouais, non, mais je te jure, que de la gueule cet homme. Ah, quand est-ce qu'on joue alors ? De la gueule et de la victoire. Non mais parce que je t'ai baisé mon gars. Voilà. Allez, coupez le micro de cet homme. Donc voilà, retenez que Fatih est mon sac à Smash et que c'est tout ce qu'il faut savoir. Non, j'ai pas coupé son micro, pas du tout. Non, t'as coupé tous les micros. Mais tu sais que là-bas, tu pourrais couper les micros aussi. Oui, c'est vrai, mais je sais plus lequel est lequel. Donc... Ah, le bâtard. Il préfère tuer tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. C'était un plaisir de la faire avec vous. Aux acteurs et avec vous, les spectateurs. Plaisir partagé. Tu peux me tutoyer. Est-ce que je peux dire exporte le 28 ? Exporte le 28 hein. Voilà. Qu'est-ce que ah, ça c'est vrai que t'es du 28 toi aussi. Ouais. Attends, c'est d'où toi, Chartres, c'est ça, non Champfol. Champfol. Okay. Ça existe ouais. Bah, ouais, c'est comme Amboise. D'accord. Hein bon, bah. Amboise, c'est une grande ville. Parce qu'on est tous les deux pour moi. Si on est sur le mot de la fin, je dirais aller où la poulette. D'accord. Voilà. Un petit mot de la fin, c'est Fatih encore Le cul de chouette. D'accord. Teddy ? Moi, j'en ai un. Bah, n'oubliez pas d'aller voir les podcasts, évidemment. Oui. Toujours le rappel à la con. Les podcasts non, sur le site d'Inesta ou sur Spotify ou exactement. Sur Deezer ou sur plein d'autres trucs. Écoutez PK Avenger aussi, jeudi de 21h-23h. Oui. On va parler de jeux vidéo, de manga, de films et de séries, comme d'habitude. Tout à fait. Eh ben merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, c'était donc un plaisir, ça fait 12 fois que je le dis, et on vous laisse avec, avec de la musique, plein de Robin musique qui Padam. Va arriver sur Indestar. Ou Robin Padam, c'est comme tu veux. Robin Padam ouais. Oh, il a pas d'âme, de toute façon. Il est roux, il doit être okay. Bon, bah, on s'arrête là-dessus, hein. Ouais, c'était bien. Sa chanson Where Wheels, Where supposed to be. Where were supposed to be. La French touche. Supposed to be. Oh yeah. Merci beaucoup, des bisous et à la semaine prochaine sur Indestar. Bisous. Bisous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.